6h21 sur Fun Radio. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le casque à fond de balle, je sais pas quel est le sourd qui est passé avant moi. J'ai bien idée, hein. Son nom serait un Vince. Voilà, c'est ça. J'avais sur le bout de la langue. Vince, comment vas-tu, sourd? Je vais très bien. Sourd. C'est-à-dire que je l'ai eu, j'ai failli être sourd là à l'instant même. Un truc de dingue. Bon. C'était une sorte de piège qu'il te tendait. Eh ben oui, peut-être effectivement, oui, c'est bien possible. Passez un bon week-end. Bien, très très bien. Très bon bien. Week-end. Rien à foutre, enfin rien fait. Ah non, un week-end ultra chargé. Genre le repos n'était pas de ce week-end. Mais bon, tu nous as dit vendredi que t'allais dormir tout le week-end. Là, je écoute, c'est ce que je pensais faire, mais en fait pas du tout. Déception totale du public. Quoi. Voilà, mais bon, beau temps, donc on se plaint pas. Oui, tout bah, va c'est bien. Ça, voilà, ça s'est et bien toi, passé. Toi, Mickaël, le vélo bah, encore écoute, ou pas du bah, tout. Bien sûr, j'en suis au 107e kilomètre depuis le début de la semaine. Ce qui est peu par rapport à un vrai cycliste, mais pour moi c'est miraculeux. Hein. Ah oui, j'ai toujours du mal à y croire. Bah écoute, pourtant, et là aujourd'hui, je mets le dernier jour avant la trêve hivernale. Oui, effectivement, parce que la trêve hivernale, elle commence, c'est genre avec 4 jours après avoir commencé. Bah, j'y peux rien, moi, si le temps il va être dégueulasse là. Si les cyclistes ils pédalent sous la pluie, ouais, ben, mais sous oui, le... n'importe moi, le temps. Moi, je suis pas un cycliste, moi je débute dans le domaine, donc voilà. Mmh. Bon, j'espère que t'achètes des rouleaux, comme ça tu peux pédaler dans ton garage. Ouais, non, mais moi j'ai besoin d'un but, c'est comme pour courir, tu vois. Courir pour rien, tu vois, ça sert à rien, c'est pareil pour le vélo. Enfin, je sais pas vous au niveau du sport comment ça se passe, mais moi il faut que j'ai un truc, quoi. Il faut que ça bouge, moi. Ouais, c'est ouais, bon. Voilà. Ça, faut qu'il y ait quelque chose, un but, quelque chose, quoi. Voilà. Non, tu me mets le gars de l'Euromillion au bout du monde, je cours après. Il n'y a aucun problème, je pars maintenant là, maintenant, même si j'y arrive dans 10 ans, mais écoute, j'irai le chercher. Vas-y. Ouais, mais on je se l'ai pas... ouais, de... mais tu vois, c'est pas sûr encore une fois le problème. Enfin, il y a un mec qui est parti avec 10 millions, ils l'ont rattrapé. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, il l'avait volé, c'est pas pareil. Enfin, non, il l'avait déposé sur son compte en banque. Oui, bah, ok, d'accord. Attends, ouais, c'est moi, pas 10 millions sur mon compte en banque, je me barre avec aussi. Hein. Non, mais t'imagines la cavale 2 ans plus tard, il s'est fait arrêter. Tout ça pour rien. Ouais, bah pour 10 millions quand même. Donc, c'est bien. Bon, sinon, c'est l'anniversaire de Toff aujourd'hui aussi. Mais oui, bon anniversaire, Toff. J'ai des petits cadeaux pour toi. C'est vrai. Oui. Oh, je suis touché. Bah alors, mais il faut voir le cadeau. Hein. Non, bah, quoi, on va faire l'amour. J'ai fait non. Ah merde. Alors c'est bon, je crois que juste ça, je te les donne parce que ouais. Je pense que tu vas être déçu. Oui, bah c'est cool, c'est dommage. Sinon moi aussi j'avais l'éternel cadeau évidemment. Ah oui. Voilà. Et oui. Je pense pas que ça ne peut que lui faire plaisir. Bah c'est ça. Ah, évidemment. Bah, s'il y a bien une personne à qui le mettre, c'est ça. Ah oui, alors voilà. ça. Je me rappelle tout ce que je peux faire avec 10 doigts. Ouais, c'est ça, merci. Bah écrire, Toff. Ah oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Il ne sait pas écrire en fait. C'est ça. Et voilà, bon anniversaire. Voilà, bon anniversaire. Voilà. Je remercie tous ceux qui m'ont déjà envoyé des messages, je n'arrive plus à suivre sur Facebook. Oh, dis donc, ça y est, il n'en peut plus là, il n'en peut plus, ça y est. Mais oui, j'ai 4 personnes qui m'ont envoyé, je ne sais pas quoi répondre. Bah oui, bah bien sûr, réponds merci, c'est génial, merci beaucoup. Voilà, t'essayes ça. Ah, je vais essayer, c'est ça. Ou alors, autant de ma part. Ah, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Ouais, toi aussi. Toi aussi, ouais. Voilà, bon, en tout cas, on démarre maintenant. C'est parti donc pour l'émission Le Morning jusqu'à 9h30. Mickaël à la radio avec du lourd aujourd'hui, puisque nous allons faire le tirage au sort pour l'ENCO. On va enfin savoir lequel d'entre vous va repartir avec le Pimp Your Cut, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous ceux qui ont joué la semaine dernière. C'était moi. Ça, c'est très très. Ah non, c'est pas toi, non. Ah, et donc, on va relooker votre appartement t'as côté high-tech. En plus, ouais, c'est ça. Bah, côté high-tech, donc avec l'ENCO. Et puis, cette semaine, attention cette semaine, dès que vous allez entendre ceci, dès que ça va passer entre des disques pendant la pub, je sais pas, à la place d'un jingle, n'importe quoi, il faudra faire le 63-22 pour gagner vos places pour le parc Astérix. Je n'offre pas 2 places mais 4 places immédiatement pour vous, directement en direction le parc Astérix. Et à la fin de la semaine, on fera un tirage au sort pour avoir la visite VIP du parc. Donc vous serez tranquille, vous irez sur les attractions quand vous le voulez, où vous le voulez, sans faire la file. Et en plus de ça, vous serez avec Quentin Mossiman qui sera avec vous toute la journée pour faire la visite du parc et vous éclater avec vous dans le parc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si vous voulez tenter de gagner ça, dès que vous entendrez les trompettes, 63-22, code Astérix pour gagner vos 4 places cash. Ça fait plaisir. Et puis au niveau des sons, on aura bien sûr la ligne anti-relou, ce sera tout à l'heure d'ici 20 bonnes minutes. On remboursera vos factures comme chaque matin. Pour les rembourser vos factures, c'est facile. Là aussi, c'est le 63-22, code facture, avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et puis on vous appelle aussi aux alentours de 7h10, 8h10 et 9h10 pour vous rembourser cash votre facture. Il suffit simplement d'envoyer facture au 6322 avec le montant de la facture et l'objet de la facture. On mettra le couvert évidemment tout à l'heure. Et puis bien sûr, là c'est la devinette qui colle maintenant, comme chaque matin, vous en avez pris l'habitude également à 6h30. Devinette qui colle, écoutez bien. Si en amour ils sont appréciés, les gros, eux, sont à éviter. Les auteurs en ont des fameux et certains servent pour des jeux. Qui sont-ils? On les utilise tout le temps quand on écrit. C'est impératif, on ne peut pas faire autrement. Tout le temps. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message. Il y a des écrans plats qui sont à gagner. Il y a également les appareils photo numériques Samsung. On peut vous filer également, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Des packs Nintendo Wii avec la console, les manettes et les jeux qui vont à l'intérieur. Et la micro-chaîne Philips également. Bref, c'est à gagner. Vous choisissez ce que vous voulez. Je répète à devinette qui colle. Si en amour, ils sont appréciés, les gros E sont à éviter, surtout pour les enfants. Et on les défonce à chaque fois qu'ils disent un gros de cette famille-là. Les auteurs en ont des fameux et certains servent pour des jeux. Qui sont-ils? Voilà, Toff en lâche à peu près 10 par heure. À peu près, hein. Ah, c'est tout? Ouais. Pas grand-chose, non. Un indice supplémentaire éventuellement, Julie, non? On en trouve beaucoup dans le dictionnaire. Ah oui, bah on trouve que ça au final, hein, quasiment. Oui, c'est en fait, oui. C'est allez, bonne chance. Dans un instant, les infos négatives de Julie, parce que non, je pense que... Non, enfin, quand même pas. Si, il y a quand même des mauvaises nouvelles. Bah, si vous habitez Charleroi... Ah oui, Charleroi, ouais. Il se passe des choses encore de côté-là. Bon, on en parle dans un instant, bougez pas de là. Et puis on va s'écouter le son de Lady Gaga aussi dans quelques instants. Voilà, ce sera You and I sur Fun Radio. Il est 6h27, passez une bonne matinée, un bon début de semaine. C'est lundi aujourd'hui, le 3 octobre. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Radio. Exactement, 6h28 sur Fun Radio. Attention, vous êtes en galère. Hein. Voilà, ça y est, c'est plié. Maintenant, par rapport à la petite devinette qui colle, là, je vous en ai parlé. Là, vous êtes en galère. Comment est-ce possible? C'est tellement simple. N'est-ce pas, Julie? Bah oui, ça va. C'était enfantine quand même. Oui, sauf que il y a quand même pas mal d'indices là. Bon, surtout, j'ai les réponses sous les yeux. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'admets, ça aide. Si en amour, ils sont appréciés, les gros, eux, sont à éviter. Les auteurs en ont des fameux et certains servent pour des jeux. Qui sont-ils? C'en est rempli nos dictionnaires, ce n'est pas une balle, pas du tout. Les enfants se font défoncer quand ils en disent, en règle générale. Si vous avez la bonne réponse, avec les cadeaux à gagner, écran plat, pack Nintendo Wii avec la console, les manettes et les jeux, appareil photo numérique Samsung ou encore les micro-chaînes Philips 6322, bonne chance par SMS. 6h29, bonne matinée tout le monde. L'info maintenant avec Julie. Salut à tous, grève à nouveau des bus tech à Charleroi ce matin. Les dépôts de Jumet et Janson sont à l'arrêt. Les chauffeurs sont en colère. Hier après-midi, un bus a encore été la cible d'un jet pavé. L'agression a cette fois eu lieu dans le quartier nord de Charleroi. Ni le chauffeur ni les passagers ont été blessés, mais ils sont choqués. 5 mineurs d'âge ont été interpellés. L'un d'eux était en aveu hier soir. Vendredi, une réunion rassemblant des responsable des techs, le bourgmestre et le commissaire en chef de la zone avaient décidé déjà d'intensifier les contrôles en faisant suivre les bus par des policiers en voiture banalisée. Mais apparemment, ça ne l'a pas suffi. Grogne des prisonniers à Lantin. Une trentaine de détenus ont refusé temporairement de regagner leur cellule hier en fin d'après-midi. Cette attitude de mécontentement pourrait être due à l'arrivée annoncée de nouveaux prisonniers en provenance de la prison de Verviers. Des services de police ont été envoyés sur place, mais ils n'ont finalement pas dû intervenir. Ce matin, la FGTB mobilisera une centaine de militants pour manifester devant le siège du MR à Bruxelles. Le syndicat socialiste s'oppose à la suppression progressive des prépensions prônées par le mouvement réformateur parmi d'autres partis participant à la formation du gouvernement. Dans un tract diffusé samedi, la FGTB affirme que relever l'âge de la prépension d'une minorité ne résoudra pas la question de l'emploi. Elle affirme par ailleurs que le système des prépensions coûte moins cher que le chômage à la collectivité, notamment parce que les employeurs versent une cotisation sociale. Très bon week-end pour le secteur touristique à la côte. Vous avez été nombreux à vous rendre à la mer ce week-end. Près de 200 000 personnes ont été se bronzer sur les plages de la côte. Les plages et les terrasses des différentes stations balnéaires étaient donc rempli. Un record de fréquentation aussi dans les parcs récréatifs et d'attractions. Malgré l'interdiction de baignade par l'absence de sauveteurs, de nombreuses personnes se sont tout de même jetées à l'eau et plusieurs enfants ont été perdus sur les plages de Blankenberg, mais les opérations de recherche ont permis de les retrouver rapidement. Succès de foule aussi pour la journée des découvertes. Entreprises, la centaine d'entreprises wallonnes et bruxelloises participant dimanche à l'opération Journée Découverte Entreprises ont enregistré quelques 331 000 visiteurs. Et puis enfin en sport, football, dimanche en 9e journée de championnat, le Standard l'a emporté face au Lierse 2-0, Genk s'est incliné face à Anderlecht 0-1 et le Berscott et FC Bruges se sont quittés sur un nul 1 partout. 6h32 sur Fun Radio. Passons maintenant à la météo. Alors l'anticyclone qui nous baigne de soleil depuis une semaine commence à donner des signes de faiblesse. Mais pour le moment, tout va bien. Dernier jour de très très belle journée au programme. Jusqu'à 27 degrés demain. Retour de quelques nuages. Quel drame. Oui. Un drame. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Tant pis. Bon, l'info en plus. Fun Radio. C'est maintenant avec Julie toujours. Donc, quelle est l'info en plus de ce matin ? Alors, je me suis fait plaisir quand même. Ah, c'est une info animalière. Ah, c'est génial, on va se marrer, tiens. Voilà. Mais non, mais c'est mignon comme tout. Non, pas du tout. Non, j'aime beaucoup les animaux. Et alors, c'est une très très jolie histoire d'un chien qui a pris le métro pour rentrer chez lui. Alors, je vous explique. Je savais, quand j'ai vu l'info, je me suis dit, tu vas voir qu'elle va nous saouler avec ça. Non, mais depuis, je ne pouvais pas passer à côté, quoi. C'est trop mignon. Donc, j'ai tapé dans le mille. Ben, forcément. Donc, c'est donc ça se passe dans la banlieue de Stockholm, donc en Suède. C'est un chien qui avait été déposé dans un chenil parce qu'il avait été perdu. Et donc, son maître devait aller le récupérer, mais le chien s'est fait la malle avant ça et il a pris le métro en fait pour rentrer chez lui. Il allait descendre à 6 arrêts plus loin, qui est effectivement l'arrêt le plus proche de son domicile. Malheureusement, il s'est fait mal à la patte, il s'est coincé dans une porte, donc il a été arrêté par ceux qui gardent les métros, entre guillemets, les autorités. Les gardiens de métro. La sécurité sur place, on va l'appeler plutôt comme ça. Et donc, le pauvre, il a dû être emmené et son maître est venu le chercher. Mais en fait, on s'est rendu compte que le chien allait proprement vraiment s'arrêter à l'arrêt proche de son domicile. Donc, le chien était prêt à prendre le métro pour rentrer chez lui. Oh, mais c'est mignon cette histoire. Bah oui, quand même. Bah oui, c'est mignon. Oh là là, ça va retourner pour la matinée. Ok, ça va, c'est bon. Ah, j'ai compris. Non, mais c'était mignon. Oui. C'est mignon. Je vais pas en parler toute la matinée, mais je voulais commencer à en parler. C'est trop mignon. Il prend le métro pour rentrer chez lui. C'est super intelligent. Mais c'est la classe. Attends, et moi-même, je verrais même chien là. Ok, ça va, j'ai compris. C'est un truc de fou. C'est mignon. C'est trop mignon pour vous. C'est pas assez gore, pas assez sexuel. T'as raison, c'est mignon. Non, mais je vous parlerai tout à l'heure des mariages à durée déterminée. Ça, c'est vachement intéressant. Ça, c'est bien, ça aussi. Voilà. Ça, c'est vachement bien. Bon, allez, on va s'écouter un petit peu de son maintenant sur Fun Radio ce matin. Bonne matinée, 6h34. Lady Gaga, c'est You and I. Ah, c'est mignon cette chanson! Non? Oui. Ah bon, je pensais parce qu'on était dans le délire du chien là. Trop de Lady Gaga. Tu les Lady Gaga. Plus, quoi. Mais l'avantage avec Lady Gaga, c'est pas toujours la même chanson, ça qui est bien, tu vois. C'est pas toujours le même style, le même rythme, etc. etc. Mm-hmm. Bon, ça pas mal là, non? Ouais. Bah, dis donc, elle a pas l'air convaincue. Non, vraiment pas, non. Bon, tant pis. Non, mais c'est pas grave. Hein. Bon, allez, 6h38 sur Fun Radio, passez une bonne matinée avec nous. Le soleil va se lever tout à l'heure très tard, hein. De plus en plus tard cette feignasse. Hein. Ah ouais, non, mais on tend vraiment vers le difficile. Ah bah, vers l'hiver. C'est pour ça que je vous ai dit qu'à vélo, j'arrêtais pour la trêve hivernale là. Ouais, bah voilà, je reprendrai vers le mois de mai. Ça aurait vraiment servi à quelque chose. Ah non. Et après, je recommencerai au mois de mai, c'est bien. Bon, il y a toujours la devinette qui colle là. Si en amour, ils sont appréciés, les gros, eux, sont à éviter. Les auteurs en ont des fameux et certains servent pour des jeux. Qui sont-ils ? Je viens de vous donner la réponse là maintenant dans ce que je viens de vous dire. Bon, j'ai pas donné le mot tel quel, mais disons que j'en ai utilisé. Voilà, j'en ai utilisé pour arriver à le trouver, ce qui est quand même sur la liste. Les gosses se font défoncer quand ils en disent en général, et puis le dictionnaire défoncer, en est rempli. C'est peut-être un très très gros mot. Ils se font une bonne baffe dans leur gueule. Mais non. On les gronde. Oui, voilà, c'est ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas, 6322 par SMS pour gagner les écrans plats, les packs Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes, ou alors l'appareil photo numérique Samsung, ou encore la micro-chaîne Philips. Bon, on va parler de télé-réalité maintenant avec deux chavannes et son chien, justement, tiens. Ah non, pas son chien. Ah, bon, attends, son chien, il fait partie de toutes les émissions, quasiment. Oui, effectivement, peut-être de cette émission-là, mais je ne crois pas, puisque deux chavannes se préparent à produire une nouvelle télé-réalité. Ah. Et les tournages viendraient de commencer. Ah. Avec ses sociétés. C'était Coyote, qui est bien connu, puisqu'il a déjà lancé, ça fait peur quand même, c'est lui qui avait lancé Trois Princes à Paris. Ouais. La dope qui avait pas du tout marché. Mais c'est dommage, parce que c'était drôle. Ah bah écoute, tellement c'était nul, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Tellement il était mauvais et tout, c'était super. Donc c'était déjà deux chavannes avec sa société de prod qui avait été lancé Trois Princes à Paris. Maintenant, il lance une nouvelle télé-réalité qui s'appelle Four in a Bed. Alors je vous explique, ça a l'air vachement sympa ça, donc 4 dans le lit. Ouais, voilà. Eh bien, on dit que c'est un mélange entre un dîner presque parfait et 4 mariages pour une lune de miel. Ouais, mais ce sera diffusé sur XXL, il faut le savoir. Non, pas du tout. Ah. Bah, en fait, c'est tout simplement des patrons de Bed and Breakfast qui vont s'affronter. Donc ils vont se revoir, ils vont se recevoir les uns après les autres dans leur bed and breakfast. Et puis à la fin, ils vont s'évaluer. Et ils s'évalueront comment? En donnant le prix qu'ils auraient pu donner pour passer une nuit dans ce bed and encore breakfast. Encore un truc de merde où il va falloir évaluer, surévaluer. Ah, bah, oui, bah oui, mais c'est pas grave. Tu mais ils donneront pas des points, ils donneront le prix qu'ils auraient pu mettre dans un bed and breakfast comme celui-là pour passer une nuit. 4 mariages pour une lune de miel ou un truc de. C'est ça, ou 4 mariages. Oui, pour une lune de miel, oui. C'était à mourir de rire. Mais moi, j'ai pas du tout vu. Je sais qu'il y avait une polémique parce qu'il y avait un faux mariage. A priori, il y a eu un faux mariage. Mais en fait, tu sais, déjà, c'était pas du tout équitable. C'est-à-dire que t'avais un mariage à 8000 euros où ils étaient genre 200 et un mariage à 50 000 où ils étaient genre 4. Donc forcément le glamour du mariage était tout de suite proportionnel. C'est dommage encore une fois avec un titre pareil de faire un truc aussi mauvais. Mais après les meufs comment elles étaient horribles entre elles. Oh, c'était dégueulasse. J'ai rien suivi mais dommage. J'espère qu'il y aura une deuxième saison. On suivra Fern Baird. Alors pour le suivre, ce sera diffusé dès 2012 sur TF1 bien sûr, la chaîne privilégiée de Chavannes et en Access Prime Time. De Chavannes qui prépare un talk show là qui va commencer en novembre sur TMC. D'accord, mais on n'a pas, donc on est tranquille. 6h41 sur Fun Radio, bon réveil, restez là dans un instant. L'équilibre va arriver. On ira faire un tour du côté de la ligne anti-relou également et puis on parlera du trafic, hein, tous les problèmes que vous pouvez déjà rencontrer sur les routes. On en parle dans 3-4 minutes. Restez bien sur Fun Radio et écoutez bien la promo qui arrive. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 6h45 sur Fun Radio, bienvenue tout le monde, on va passer maintenant à l'infotrafic, que se passe-t-il sur les routes? Alors pas grand chose à vous signaler pour le moment, mais je vous rappelle que c'est la grève des bus à Charleroi, donc à mon avis ça risque de bouchonner pas mal de ce côté-là. À mon avis aussi, ouais, bah tu dis, tu sais, ça doit énerver les gens que tu dis, non pas grand chose, les mecs sont déjà dans les embouteillages en train de bouffer leur volant, mais c'est les embouteillages habituels. Voilà, c'est ça, si je commençais à citer, mais non, mais ça va, je vois que ça ralentit pas encore sur les grands axes. Ça ralentit pas trop, donc voilà, comme ça vous le savez. 6h46, en tout cas si vous êtes témoin d'un problème sur la route, problème, embouteillage, accident, bouchon, flash, signalez-le nous, ça se passe au 3044 par SMS, c'est 50 centimes le message, bah ou alors tout simplement gratuitement si vous avez un smartphone sur mikl@funradio.be, vous m'envoyez un petit mail. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Et tous les matins sur Fun Radio, la ligne anti-relou. Et comme en plus le week-end est passé, autant vous dire qu'il y a du dossier, puisque forcément vous avez été nombreuses et nombreux, peut-être un peu moins au niveau des garçons, mais en tout cas pas mal au niveau des filles, à donner ce numéro de la ligne anti-relou à tous les relous qui sont peut-être venus vous prendre la tête pendant ce long week-end. Enfin ce week-end tout court en fait, tout simplement. Ce beau week-end, voilà, c'est ça. Pour donner le numéro, c'est facile, et ben dès que quelqu'un arrive et commence à vous prendre le chou, mademoiselle, il suffit simplement de lui donner votre numéro de téléphone. En tout cas, il pensera que c'est votre numéro, sauf qu'en fait, c'est le nôtre. Et donc, ça va donner ça. Écoutez bien, par exemple. C'est Christiane. J'ai bien aimé la petite soirée sur quatre roulettes avec les petits jeux cochons. Ouais, tu sais bien. Ce serait bien que peut-être un jour, tu te reconnaîtes. Comme ça, tu auras peut-être plus de chance de te retrouver. Voilà. Je pense à toi, je me caresse, c'est bien. Allez, bisous. Ouais, moi je peux avoir peur aussi, hein. Déjà c'est pas Christiane, hein. Ouais, mais c'est pas Christiane, elle a rencontré sa meuf sur chatroulette. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ok, pourquoi non, pas, c'est compréhensible en tout cas qu'elle soit sur ce numéro. C'est-à-dire que c'est un exemple concret d'une relou. Ouais. Et c'est rare, mais ça arrive. Je me disais que j'irais bien mettre de temps en temps le numéro de la ligne anti-relou sur chatroulette. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, donc on va être blindé, tu rigoles, ouais. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Ouais, c'est Jean-Luc. Je me reviens te voir. Et ouais, en fait, je m'appelle Jean-Luc. Ça te plairait qu'on se revoie un jour? On se revoit. Ah ouais, je m'appelle Jean-Luc. Hein. Allez, tchuss ma poule. Ouais, donc c'est une appartenue, il s'appelle Jean-Luc. Oui, c'est ça, au cas où, hein, Jean-Luc, pas de problème, voilà. Bon, et puis dernier message de ce matin. Cindy, je suis crevé, ouais. Dans le quartier, petit nom, ouais, vas-y, viens, ramène-toi. Ne vis pas trop. Allez, good night. Ah, c'est le nouveau de la semaine dernière qui avait sa robe verte là. qui t'en kiffe, qui t'en kiffe sur une meuf avec une robe verte. Ouais, non, mais en général, un relou revient plusieurs fois. Ah oui, un relou avant relou, de comprendre, il faut le temps. Ouais. Un relou est relou, ça, y a rien à dire. Bon, 6h49 sur Fun Radio, prochaine étape de la ligne anti-relou dans moins d'une heure. Et puis, on va vous donner également la réponse à la devinette qui colle dans quelques instants aussi. Si en amour, ils sont appréciés, les gros, eux, sont à éviter. Les auteurs en ont des fameux et certains servent pour des jeux. Quand on est petit, on évite... Donc quand on est parent et qu'on a des enfants, on évite qu'ils les disent. En règle générale, le dictionnaire en est rempli, voilà. Il y a des écrans plats à gagner, des packs Nintendo Wii avec la console, les manettes et les jeux qui sont à gagner. Aussi des micro-chaînes Philips ou encore les appareils photo Samsung. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 6322 par SMS, c'est 1€ le message. Et on va s'écouter le son de Licky Lee maintenant. Follow River sur Fun Radio, il est 6h49. Passez une excellente matinée sur Fun Radio. L'équilibre sur Fun Radio à l'instant avec I Follow Rivers. Il est 6h53. Dans un instant, évidemment, on ira faire un tour du côté des infos avec Julie. Info et météo également. Mauvaise météo d'ailleurs. Aujourd'hui, il va faire encore très beau. Ouais, mais il faudra juste bien en profiter. Ouais, mais pour un futur relativement proche, ce sera quand même relativement mauvais. Eh bien, on sera de retour au véritable mois d'octobre. C'est vrai. Ouais, l'automne. Il suffit de se dire ça. L'automne sera de retour. C'est ça. Bon, allez, je vous répète vite fait l'énigme de ce matin. L'énigme qui colle. Si en amour, ils sont appréciés, les gros, eux, sont à éviter. Les auteurs en ont des fameux et certains servent pour des jeux. Qui sont-ils? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez votre message au 6322, c'est 1€ le message, et vous repartirez peut-être avec un écran plat, un pack Nintendo Wii. Vous choisirez un pack Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes, voilà, c'est ça, ou alors appareil photo numérique Samsung ou encore micro chaîne Philips. Voilà, bon, avant cela, nous allons appeler des gens afin de les emmerder, autant le dire. Hein. Et on va appeler qui ce matin et pourquoi, Tof? Ben, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a donc Demi Moore et Ashton Kutcher. Ouais. Non, attends, excuse-moi, j'en ai parlé. De quoi? Oui, vas-y, continue. Ouais, donc qu'est-ce que tu allais dire? Quoi, qu'ils allaient se séparer? Ouais, voilà. Donc, ah bah, excuse-moi, j'en ai parlé dans l'Info People la semaine dernière, donc c'est pas grave. T'es au courant de rien. Non, mais c'est beau de voir que tu m'écoutes. Donc, Julie l'avait dit qu'ils allaient se séparer, mais moi j'ai déjà l'info en plus, l'info supplémentaire, c'est qu'en fait ils ne veulent pas se séparer. Ah et bon donc, non, ils ont décidé de se tourner vers la religion. Ah. Ils ont décidé de demander à Dieu de les aider. Oh. Voilà. Et quel rapport avec toi? Je comprends pas bien. Je vais appeler les gens. Je vais les appeler ce matin pour les prévenir que Dieu est avec eux, que Dieu est amour. Que ah, Dieu tu vas répondre paix, à la bonne parole. Et que Dieu ait compassion pour eux, exactement. Okay. Bon, alors on va appeler où la première ville de ce matin? Nous appelons à Petit Rochin. Enfin, village. Quoi. Hein, on va dire ça comme ça. Bled. Ou paumé. Voilà, alors qui dit mieux? Non, c'est. Non, je pense qu'on a bien cerné Petit Rochin. Ok, très bien. En même temps, c'est dans le nom, hein. Petit Rochin. C'est vrai. Allez, c'est parti, on y va, on appelle pour la bonne parole. Voilà. Ça ne décroche pas, hein. Allô? Alléluia, madame. Alléluia. Vous avez décroché. Dieu va vous sauver. Dieu va vous aider aujourd'hui. Car Dieu est amour. Dieu est compassion. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas compris. Vous avez appelé, attends, il est un petit peu à 7h du mat. Ouais, mais j'ai pas compris. On va le rappeler. Parce que bah, oui, écoute, j'ai pas entendu. Bah oui, attends. Ne la laissons pas comme ça. Bah non. Ce serait dommage. J'espère qu'elle va pas mettre 3 jours à décrocher de nouveau comme tout à l'heure. Hein. Allô? Oui, nous avons été coupés. Oui, vous savez vos bêtises. Hein. Madame, ce n'est pas une bêtise. On ne refuse pas comme ça la main tendue de Dieu. Oui, ben la main tendue de Dieu, je la connais. Ça suffit, vous. On en reste là, ça va? Madame, ne le prenez pas comme ça. Vous ne pouvez pas rejeter comme ça toute cette compassion que je vous apporte ce matin. Nous allons ensemble trouver la voie. Pour raccrocher le téléphone. Eh ben voilà. C'est parti. Ah ben écoute, mais la main de Dieu, elle la connaît. Hein. Ouais, bah, la main de Dieu, elle l'a déjà pris dans sa gueule. Je la connais bien, la main de Dieu, tu vas voir. Ouais. Bon, bah, un échec total. Hein. J'ai oublié de demander un petit pronostic à Julie, mais enfin, ça servira à rien. Ah ben échec. Ah ben oui, bah, on a compris. Ah ben tiens, voilà. Ouais. Ouais. Tiens, c'est quoi le cadeau que t'as offert à toi, en fait? Parce que je suis pas au courant. Elle m'a offert des Haribo. Plein de petits bonbons. Ouais, parce que comme je ça, ma vie, pas... est plus belle. Parce que Haribo, c'est beau, la vie. Ouais, voilà. Mais je voulais lui faire une petite bougie. Avec un petit gâteau et tout ça, mais je veux dire, à 5h du mat, il y a Ils sont t'aurais pas, pu, ils t'aurais sont pu, t'aurais pu. Il n'y a pas, non, pas fait, beaucoup de boulangeries qui t'as fait aucun effort, t'aurais pu le faire toi-même. Exactement. Avec amour. Tu te serais levé à 3h oui, du mat. C'est ça, j'aurais dû me lever à 3h du mat. Voilà, t'aurais fait un petit gâteau. Merci. Et là, on aurait été bien. Bah, t'as apporté quelque chose à Toff, toi, Mickaël? Non, mais là, on se connaît plus trop longtemps. Là, ah, c'est oui, une ouais, connerie. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais moi, j'ai apporté quelque chose. Bah, ouais, mais c'est déjà pas mal. Non, non, mais oui. Et c'est déjà bien. Non, mais oui, mais il se plaint déjà. Toi, tu te plains, vous plaignez. Merci. Bah, oui, parce qu'avec son gâteau, j'aurais pu profiter également. Sinon, je l'aurais fait un petit ring pour t'en manger. C'est pas grave. 6h57. Sur Fun Radio, on a Rachel qui est avec nous maintenant. Salut Rachel. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, bah, bienvenue à toi Rachel. T'as quel âge et dans quelle ville? 20 ans et je viens de Bruxelles. De Bruxelles, 104.7 Rachel, pour écouter Fun Radio Bruxelles. Du côté de Uccle, c'est comme pas ça, loin de la radio, en plus c'est magnifique. Oui, tu pourras passer nous apporter le petit déj une fois que tu auras gagné. Bien avec sûr. Une bougie dessus pour toi. Voilà. Bon Rachel, écoute voilà. bien la petite devinette qui colle. Si en amour ils sont appréciés, les gros eux sont à éviter. Les auteurs en ont des fameux et certains servent pour des jeux. Qui sont-ils? C'est les mots, ce sont les mots, effectivement, c'est une bonne réponse, puisque effectivement, quand les enfants disent des gros mots, on les engueule, et les mots, évidemment, c'est ce qu'il y a dans le dictionnaire, c'était les indices qu'on vous a donnés tout à l'heure. Eh bien, bravo à toi, Rachel, tu veux repartir avec quoi? Avec super, moi, merci c'est beaucoup. Avec moi qu'elle doit partir. Non, non, t'as fait. Ne pas cuire, ce serait bien. Eh ben, écoute, tu vas gérer ça au standard, y a pas de problème. C'est pas vrai, hein, ça fait merci pas maigrir beaucoup. De faire du fitness avec ouais, la Ouïa. Bon, ben, salut à toi, gros bisous, à bientôt. Ouais, gros bisous à toute l'équipe. Allez, salut à toi Rachel et je t'embrasse. 6h58 sur Fun Radio. On remettra le couvert tout à l'heure avec une nouvelle devinette qui colle, bien sûr. Et puis, on va se faire l'info aussi dans quelques instants. Hein. Ne bougez pas de là. Nous rembourserons vos factures également dans moins de 10 minutes. 6322 code facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et dans quelques instants, il y aura aussi les Maroon 5. Avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger sur Fun Radio. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. 6h59 sur Fun Radio, bonne matinée tout le monde, c'est Info maintenant avec Julie. Salut à tous, grève à nouveau des bus tech à Charleroi, les dépôts de Jumet et Janson sont à l'arrêt. Et les chauffeurs sont en colère, hier après-midi un bus a encore été la cible d'un jet pavé. L'agression a cette fois eu lieu dans le quartier nord de Charleroi. Ni le chauffeur ni les passagers ont été blessés mais ils sont choqués. 5 mineurs d'âge ont été interpellés, l'un d'eux était en aveu hier soir. Vendredi, une réunion rassemblant des responsables des techs, le bourgmestre et le commissaire en chef de la zone avaient décidé d'intensifier les contrôles en faisant par exemple suivre les bus par des policiers en voiture banalisée, mais cela n'a pas suffi. Grogne des prisonniers à Lantin. Une trentaine de détenus ont refusé temporairement de regagner leur cellule hier en fin d'après-midi. Cette attitude de mécontentement pourrait être due à l'arrivée annoncée de nouveaux prisonniers en provenance de la prison de Verviers. Et des services de police ont été envoyés sur place, mais ils n'ont finalement pas dû intervenir. Ce matin, la FGTB mobilisera une centaine de militants pour manifester devant le siège du MR à Bruxelles. Le syndicat socialiste s'oppose à la suppression progressive de prépensions prônée par le mouvement réformateur. Le syndicat affirme que relever l'âge de la prépension d'une minorité ne résoudra pas la question de l'emploi. Elle affirme par ailleurs que le système des prépensions coûte moins cher que le chômage à la collectivité, notamment parce que les employeurs versent une cotisations sociales. De plus en plus de Belges sont trop démunis pour se nourrir. Le nombre de personnes qui font appel à des associations pour pouvoir se nourrir ne cesse d'augmenter et ce sont de plus en plus souvent des Belges. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le quotidien flamand de Morgen. Le journal a donné la parole à plusieurs organisations qui distribuent des colis de nourriture à environ 500 à 700 personnes par chaque mois et ces associations ont noté une augmentation importante des personnes qui s'adressent à elles ces dernières années. Le service public de Wallonie s'attaque à la cigarette et plus particulièrement aux fumeurs. Les fonctionnaires qui fument doivent désormais pointé. Le temps de travail, le temps à passer plutôt à fumer sera désormais décompté du fameux temps de travail. Les agents sont aussi invités à fumer dans les cours intérieurs des bâtiments ou les parkings extérieurs hors de la vue des passants. Une aberration pour les syndicats qui dénoncent une nouvelle stigmatisation des fumeurs. Et puis enfin en sport, football dimanche en 9e journée de championnat. Le Standard l'a emporté face au Lyrs 2-0. Genk s'est incliné 1-0 face à Anderlecht. Et puis Berscott et le FC Bruges se sont séparés sur un nul partout. 7h02 sur Fun Radio, bonne matinée tout le monde. La météo maintenant. L'anticyclone qui nous baigne de soleil depuis une semaine commence à donner des signes de faiblesse. Mais bon, aujourd'hui encore, tout va bien. Soleil pour la journée, partout sur tout le territoire, jusqu'à 27 degrés. Par contre, demain, ben, retour des nuages. Eh oui, ça c'est dommage. Bon, 7h02 sur Fun Radio, c'est l'info en plus dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Et à 7h03 sur Fun Radio, passons à l'info en plus. Eh bien, je voulais vous parler du Mexique. Plus particulièrement de la ville de Mexico, ouais, qui a décidé de lancer des contrats de mariage à durée déterminée de seulement 2 ans. Alors d'accord, pourquoi des contrats à durée déterminée? C'est pour lutter contre le taux important de divorces. Oui, qui pourquoi ont, pas. Ouais. Qui ont lieu en majorité 2 ans après la cérémonie. Donc ils proposent une loi pour pouvoir avoir des mariages à durée déterminée, donc des mariages temporaires qui vont jusqu'à 2 ans. Si après 2 ans de vie commune, les mariés sont toujours amoureux, eh ben, ils pourront renouveler leur contrat. Et par contre, si ben voilà, ils veulent se séparer, eh bien, la division des biens et alors la garde des enfants, etc., ben, tout ça est très facile. Hop, le mariage est terminé et puis merci, bonsoir. Quoi. Bah, l'idée n'est pas con. Hein. L'idée n'est pas... Oui, l'idée n'est pas con. Mais alors évidemment, le fait que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire, pour toute la vie, bon, mais évidemment, ouais, cette idée-là est un petit peu oubliée. Alors évidemment, l'église n'est pas très contente. Et il faut savoir aussi que le Mexique est quand même le pays où il y a le plus de catholiques dans le monde, après le Brésil. Ah oui, quand même. Donc, ah ouais. Ça... ouais, c'est énorme. Donc, c'est l'endroit où il y a le plus de drogue aussi. Hein. Enfin bon, après. Oui, bah ça, c'est. Je sais pas s'il y a un rapport ou pas. Ça, mais... c'est autre chose. Cette loi risque donc de ne pas être populaire pour tous. Non, ça, c'est clair, effectivement. 7h04 sur Fun Radio. Tiens, j'ai aussi une petite question là, pour vous. Là. Pas forcément jouer ensemble, mais en tout cas, vous allez pouvoir jouer chez vous si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir y réfléchir. Je donnerai la réponse juste après le son de Maroon 5. À combien s'est fait flasher un mec qui voulait tester sa nouvelle voiture, sa nouvelle Mercedes? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Non, mais c'est un truc de dingue. Il a répondu au policier, je voulais tester ma nouvelle Mercedes. J'ai envie de tester ma nouvelle voiture. Bon, on va en parler dans quelques instants, en tout cas. Si vous avez une idée, bah, vous pouvez nous le dire aussi. Hein, 3044 par SMS ou alors mikael@funradio.be. Et en plus, c'est gratuit par le mail. Bonne chance tout le monde. Les Maroon 5, on les écoute maintenant avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger sur Fun Radio. Et on jouera aux factures dans un instant. Enfin, on jouera. On va vous appeler pour vous rembourser vos factures si vous voulez vous inscrire. 6322 code facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Les Maroon 5 sur Fun Radio avec Christina Aguilera. C'était Moves Like Jagger. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et tous les matins, on paye vos factures, évidemment. Ça se passe sur Fun Radio à 7h10, 8h10 et 9h10. Et pour qu'on paye vos factures, eh bien, il suffit de s'inscrire au préalable. Voilà, 6322, code facture, avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Alors, qu'est-ce qu'on proposait? 91€ pour l'épargne-pension, ok, pourquoi pas. 50€ pour l'hôpital, 91€ pour Télénet. Qu'est-ce qu'il y a aussi? 120€ pour un procès-verbal. Qu'est-ce qu'il y a? 27,30€ pour le fitness. Tiens, c'est pas cher le fitness. Peut-être m'y mettre, moi, le fitness, il y a un petit peu de sport. Bah, pour la trêve hivernale. Oui, penser, non, mais je cherche une salle qui pourrait m'accueillir gratuitement. Ah, ben. Ce mec, il est incroyable. De quoi? Demande à Monsieur Moon. Monsieur Moon? Ouais, il a des plans. Ah, bah je vais lui demander, tiens, Monsieur Moon. Bah tiens, pourquoi pas. Je sais qu'après un mois, t'abandonnes en général et tu payes pour l'année, donc autant y aller gratos dès le début. Hein. Ça coûte ça, c'est vrai, ça coûte beaucoup moins cher. Bah oui, forcément. Voilà. Bon, allez, on appelle quelqu'un maintenant qui s'est inscrit ou inscrite donc au 6322. C'est parti, on rembourse combien, Toff? Oui, composition automatique. Ouais, incroyable. C'est beau, on dirait qu'on est dans un tuyau, mais sinon c'est beau. Combien? 49€. 49€, d'accord, ok. J'ai lu le message, non, me semble-t-il. Ah oui, mais c'est écrit normalement sur ton écran. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Allez. Ah oui, car j'ai un écran, un bel écran. Je sais que ça fait 20 secondes que nous avons composé le numéro. Et si elle décroche, oui, elle décroche, et qu'elle répond bien à la petite question, bonjour, c'est qu'elle... Oh, bah là, ce sera perdu. Vous êtes en contact avec la boîte à messages de... Zéro. Oh, mais pourquoi il n'y a pas le prénom, là? Il pourrait dire le prénom, quand même. Bon, bah tant pis. 0. Quelle déception. Veuillez enregistrer votre message après le signal sonore. Pour terminer, il suffit de raccrocher. Au revoir. Et à bientôt. Ben, il n'y a pas de problème. Allô, bonjour. Alors, je suis très déçu que tu n'aies pas décroché. C'était pour te rembourser ta facture de 49 euros. C'était Fun Radio et Mickaël tous les matins à la radio. C'est dommage. Bon, bah tant pis, hein. Reste plus qu'à retenter ta chance. La prochaine fois, en tout cas, je te fais des gros bisous. Passe une bonne journée malgré cette mauvaise nouvelle. Bah, il fait beau, il y a du soleil, c'est déjà ça. Si tu te réveilles, tu vas écouter ton répondeur. T'as perdu, Ouais, mais qu'est-ce que tu fais, c'est comme ça, tant pis. Hein. Bon, je rappelle, quand vous jouez un jeu où on est censé vous rappeler à 7h10, 8h10 ou 9h10, bah, arrangez-vous pour être joignable. Sinon, ça sert à rien de jouer. Enfin, moi, je dis ça après, c'est pour vous rendre service. Hein. 7h11 sur Fun Radio, on remet le couvert dans une heure. Si vous voulez vous inscrire, on ne sélectionne que ceux qui s'inscrivent maintenant entre 7h10 et 8h10. 63,22 par SMS, c'est 1€ le message. Et puis, bah, vous débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Je vous avais parlé de ce mec qui voulait absolument tester sa nouvelle Mercedes et donc il s'est fait flasher. Mais à votre avis, à combien s'est-il fait flasher sur l'autoroute? C'était pour être précis sur la E42 en direction de Namur. Il était à 198 km/h. Petit joueur. Ça, ouais, c'est ça. 198 km/h, en fait, il s'est fait choper par la police, en fait. Hein, et donc, la police les a coursés. Les flics ont dû se dire, oh cool, ça y est, on peut enfin décrasser un peu le moteur, là. Ça fait plaisir, on va pouvoir y aller dedans, là. Et en fait, le mec, il a 46 ans, et donc, il a été rattrapé, privé de permis, évidemment. Il a dit, pour sa défense aux policiers, qu'il voulait juste tester sa nouvelle Mercedes qu'il venait d'avoir, et il voulait voir ce qu'elle avait dans le ventre. Voilà. Bah, c'est normal. Bon, son seul point négatif, évidemment, c'est que, bah, du coup, il va mettre un petit temps avant de pouvoir la réessayer. Oui, à mon avis, on a dû lui retirer son permis. Et ah oui, ça y est, c'est fait. Hein, je te dis, il a retiré le permis, mais donc à mon avis, il pourra laisser dans le garage. Voilà. Hein, il pourra quel la sortir bon test. Dans bonne son allée, la faire revenir. Ou alors il me la prête, et moi, il n'y a pas de problème. Oh bah toi, t'es sur tous les coups. Ah bah bien sûr, si moi je l'utilise. Donner des places pour aller voir ceci, donner de bagnole. Aucun problème. Bah oui. 7h12 sur Fun Radio. Dans un instant, l'horoscope avec l'ami Doudou. Et puis on passera également le son de Deep Side DJs. Avec Never Be Alone, son que vous n'écoutez que sur Fun Radio, puisque vous l'avez découvert ici au mois d'août. Deep Side DJs, Never Be Alone, c'est juste après ça. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizée Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Il est 7h14 sur Fun Radio, bon réveil. La petite énigme qui colle, la deuxième de la matinée. Autrefois, le maître en frappait le cancre qu'il a redouté. Utilisé par le dessinateur, elle doit être suivie par les joueurs. Qui est-elle? On peut appeler ça une latte aussi, mais enfin, c'est pas le mot qu'on cherche. 63-22, bonne chance. Deep Side DJ sur Fun Radio, passons à l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Ouais, et avant l'horoscope, je rappelle encore une fois la petite devinette qui colle pour repartir aussi avec les écrans plats, les packs Nintendo Wii, avec la console, les jeux et les manettes. On a également à vous filer, bien sûr, les appareils photo numériques Samsung ou encore les micro-chaînes Philips. Écoutez bien la devinette qui colle de ce matin. Autrefois, le maître en frappait le cancre qu'il a redouté. Utilisé par le dessinateur, elle doit être suivie par les joueurs. Qui est telle? Si vous avez la bonne réponse, 63-22. On peut l'appeler aussi une latte. Voilà, pour pouvoir tracer tout ça. Donc voilà, c'est pas le mot qu'on cherche évidemment, c'est petite cousine. Voilà, 63-22, 1€ le message. Bonne chance tout le monde. Alors Doudou, vous avez passé un bon week-end? Oh là là, oui, c'était un très très bon week-end. Écoutez, tant mieux. Ah oui, je savais plus où donner de la tête, j'ai couru comme un lièvre. Bah vous avez fait le marathon de Bruxelles? Ah non, pas du tout, j'ai couru la donzelle. Ah oui, d'accord, ok, donc vous avez couru dans ce sens-là. Donc, d'accord, j'ai couru la donzelle. Oui, vous pensez bien, le marathon, c'est 42 km à pied. Hein, ouais. Vous n'êtes pas un peu malade, vous, dans votre tête? Oui, c'est vrai que c'est la taille de votre île, quoi, quasiment. Bah oui, je sais même pas si je fais ça en un an. Oui, bien évidemment, oui. Si c'est pour rattraper une joggeuse, quand même, à mon avis. Hein. Ah oui, ça, c'est différent. Pas du tout, j'attends qu'elle repasse, je cours pas derrière. Ouais. Hein. Je veux pas mourir, moi. Allez, les béliers, on va commencer par eux, comme d'habitude. Mais oui, alors profitez de cette journée pour faire le point sur vous et votre entourage. Ouais, c'est vrai que tant qu'à faire, autant commencer par la crème de la crème, le top du top. Le must du must. Ah bon, il y a du gâteau ce matin? Non, pas du tout. Les taureaux. Profitez de cette journée pour faire le point sur vous et votre entourage. Les gémeaux. Gardez votre sang-froid et soyez un peu méfiant. Les cancers, comme Julie. La pensée logique n'est pas votre force aujourd'hui. Ah ouais. C'est vrai. Ah oui. Enfin, vrai, moi, je ne réagis même plus. Non, non, mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Oui, d'accord, mais enfin, bon, c'est pas mon problème. Après, si tu veux rien faire de ta vie, hein. Il m'a dit ça va aller ou quoi? Il n'y a pas de souci. Tu sais comment il est agressif aujourd'hui? Mais oui, c'est quoi cette agressivité? Mais pas du tout, je suis pas agressif. Bon, je crois que Doudou est un petit peu jaloux parce que Toff a eu des cadeaux ce matin et Doudou n'a pas eu. Mais c'est pas et son anniversaire. Je pense que Doudou est jaloux. C'est possible. Pas bon. Du tout. Si, si. Mais non. Bon, Lili, en même temps, il n'est pas jaloux. Vous avez vu la tête de Toff, Doudou? Il est, ah, c'est quand même pas. Là, c'est pas gagné, hein. Ah, le pauvre. Ah, bah oui. Bon, les lions. Alors, les lions, veuillez. Les lions, veillez à boire suffisamment d'eau aujourd'hui. Voilà, les vierges. Vos problèmes se résoudent donc si vous les prenez à boire le corps et sans attendre plus longtemps. Les balances. Mettez de l'ordre dans vos idées et faites une pause. Les moi, scorpions. J'aime beaucoup cette idée de la ah oui, pause. Ça, ça m'étonne pas. Les scorpions. Le mieux, c'est de réaliser vos tâches rapidement en profitant de votre bonne humeur ce matin. Très bien, les sagittaires. Prenez le temps de laisser libre cours à vos idées sans pour autant négliger votre travail. Les capricornes. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, surtout pas en amour. Très bien, les verseaux également. Mettez la pédale douce. Eh ben oui, voilà, et puis les poissons pour finir. Ce qui pourrait vous poser un problème, c'est le manque de confiance et des hésitations. Eh ben voilà, alors merci Doudou. Soyez sûr de vous. On vous retrouve tout à l'heure. Ben oui, évidemment. Dans une heure pour une prochaine édition de l'horoscope. Dans un instant, on va appeler Léo la gagnante là pour l'opération Pimp Your Cut qu'on a eu l'occasion de faire toute la semaine dernière et tout ce week-end. Et puis restez bien à l'écoute de Fun également, puisque dès que vous entendez ça, ceci est un exemple. Eh bien, il suffit de nous envoyer votre message au 6322 code Astérix pour repartir avec vos 4 places pour aller au parc Astérix avec peut-être Quentin Mossiman, ce qui est plutôt pas mal. Ça peut arriver à n'importe quel moment, en tout cas, ça va pas tarder. Elle me dit Mika sur Fun Radio avec Elle me dit. Et attention, 7h25 ce matin, nous allons maintenant appeler le ou la gagnante qui repartira avec l'intégralité des cadeaux de la semaine dernière, c'est-à-dire l'opération Lenko Pimp Your Cut. Quelqu'un qui a joué avec nous, qui est reparti d'office avec un lecteur MP3 et on vous avait promis d'appeler le grand gagnant après le tirage au sort cette semaine. Nous allons donc le faire dès maintenant. Attention, c'est parti. Je rappelle que vous vous êtes inscrit la semaine dernière et tout ce week-end pour repartir donc avec un radio réveil, un écran plein, un lecteur DVD, une barre son, une tour iPod, un micro-ondes, un mixeur, un percolateur, un four, une friteuse, un fer à repasser, un aspirateur et bien sûr le tire-bouchon électrique pour fêter tout ça. Le allez, plus important. C'est parti. Exactement. On compose maintenant live and direct. Et live and direct, ça marche pas. Bon, c'est parfait comme ça. Hop là. Attends, bouge pas. Je le vire, je ne vire pas, il n'y a rien qui marche. Bon, attends, je vais laisser Toff faire. Parce que, alors, c'est-à-dire que toutes les semaines, forcément, ça nous fout la merde. Toutes les semaines, c'est un nouveau système. Alors, forcément. Non, mais n'essaye pas de justifier que tu ne sais toujours pas te servir toutes tes deux mains. Bah, il vient d'arriver ce standard, c'est encore un nouveau là. Bon, oui, je sais que l'ancien était tout pourri, mais bon, bien voilà. Sûr, bien ah, là, apparemment, ça a l'air d'aller. Non, ça sonne toujours occupé, c'est bizarre. Alors, se déoccuper sur un GSM, c'est quand même difficile. C'est hein, assez bizarre. Oui, mais là, c'est normal, je vois 004. C'est le numéro qu'on a composé. Alors forcément, ça ne peut pas marcher. Ah oui, ça me paraît difficile. Ah ben non, ça marche pas. Ça va... Tu peux me utiliser l'ancien système, juste cette fois-ci. Si vous donnez mon numéro, mieux, vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Non, parce que là, c'est bizarre. Là, ça sonne quand même bien pourri. Bon, je vais vous rappeler l'énigme en attendant. Autrefois, le maître en frappait le cancre qu'il a redouté. Utilisé par le dessinateur, elle doit être suivie par les joueurs. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, 6322, vous débutez votre message tout simplement par la réponse, hein, simplement. Et vous repartirez peut-être avec un écran plat, le pack Nintendo Wii, avec la console, les places, ou encore... les manettes, pardon, ou encore les jeux qui seront évidemment compris dans la console, c'est normal. Et puis, ce que vous pouvez repartir aussi avec, c'est un écran plat, ou encore les appareils photonumériques Samsung, et même la microchaîne Philips. Et ça fait plaisir. Bon, Toff, ça marche toujours pas, ton truc pourri, ton standard de merde? Ah. Et on sait pas le faire à l'ancienne, non, si, on décroche faire à l'ancienne. Le combiné non, mais et on compose absolument utiliser cette nouvelle machine. Voilà. Bon alors attention. Si on a du nouveau matériel, il faut bien qu'il marche à un moment. Bah ouais, mais bon, si tu veux là, j'aurais bien voulu qu'on appelle directement le mec là, parce que là ils sont tous en stress, tous ceux qui ont joué, en disant putain ça téléphone pas, non c'est pas occupé chez moi, c'est libre. Pourquoi? Je comprends pas. Ils sont au taquet là, ouais, ils attendent. C'est ça, ils doivent être en stress. Quand même relooker son appart sous son cote, ça fait plaisir. Bah ça fait plaisir effectivement. Ouais. Bon allez, c'est parti, on y va maintenant. Ça y est, Toff fait ce que j'ai dit, il a décroché le combiné et il compose le numéro compose. À l'ancienne. Et là attention. Ça va fonctionner. Et voilà, ça y est. Voilà, qu'est-ce que je disais? Encore faut-il que ça décroche, hein. Oui, ça c'est autre chose. Oui, allô? Allô, Gaëtan? Ah. Oui? Qui t'appelle pour refaire ton cote le matin? NRZ. Oh le boulet. Ah oui, là, malheureusement. Non, c'est Fun Radio. Je... Ah oui, mais c'est... Oui, oui. Alors... C'est Fun Radio, c'est Fun Radio. Attends, attends, tu sais quoi? Je te raccroche au nez, on va te rappeler. Parce que là tu nous as quand même fait une blague de très très mauvais goût. Très mauvais. On n'apprécie pas du tout, mais on te donne une seconde chance. Très très mauvais goût, on va te laisser une seconde chance. On va te rappeler. Et fais attention. Alors attention, on va te rappeler. Et là on va pas rigoler, hein. Allez hop, c'est reparti. On recompose. Est-ce que vraiment on le rappelle lui? Oui. Tu as un grand cœur, Mickaël. Oui, je sais. Trop bon, trop bon. Oui, allô, bonjour. Qui t'appelle pour te rembourser, pour te payer ton code ce matin? Bonjour, Fun Radio. Voilà. Eh ben voilà, Gaëtan, tu as été... Alors, tu as joué, si mes souvenirs sont bons, c'était avec Lucas dans le self la semaine dernière. Oui, et grâce à Fun Radio et Alinco, tu repars avec ton Pimp Your Code, c'est-à-dire un nouvel écran plein, un lecteur DVD, un radio réveil, une barre son, une tour iPod, un micro-ondes, un mixeur, un percolateur, un four, c'est une friteuse, énorme. Un fer à repasser, un aspirateur. Et pour fêter ça, bien sûr, le tire-bouchon électrique. T'inquiète pas, on va venir tester le tire-bouchon électrique avec toi. Ouais. On va venir tester, ouais. Fabuleux. Ah ouais, tu fais péter la pendaison de crémaillère, j'espère. Hein. Pardon ? Tu fais péter la pendaison de crémaillère. Ça c'est clair, mais ça sera la seconde. Alors, bon, ça, bah super alors. Bon, ben voilà Gaëtan, tu repars avec tout ça, ravi que ça te fasse plaisir. Et puis reste au standard, on prend tes coordonnées, on va te payer merci ça sans problème. Merci beaucoup, merci Fun Radio, merci. Je t'en prie Gaëtan, merci à toi, à bientôt. À bientôt, merci. Allez, salut Gaëtan. Et puis restez bien là tous, on va revenir dans un instant avec l'info. Et puis je vous avais dit, dès que le signal retentit pour Astérix, là les trompettes, 6322 code Astérix, je vous dis ça. Oui, je sais. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. Il est 7h31 sur Fun Radio, certes avec un petit peu de retard. Passons maintenant à l'info avec Julie. Salut à tous, grève à nouveau des bus tech à Charleroi ce matin. Les dépôts de Jumet et Janson sont à l'arrêt. Les chauffeurs sont toujours en colère. Hier après-midi, un bus a encore été la cible d'un jet de pavé. L'agression a cette fois eu lieu dans le quartier nord de Charleroi. Ni le chauffeur ni les passagers n'ont été blessés, mais ils sont choqués. 5 mineurs d'âge ont été interpellés. L'un d'eux était en aveu hier soir. Vendredi, une réunion rassemblant des responsable des techs, le bourgmestre et le commissaire en chef de la zone avaient décidé d'intensifier les contrôles en faisant par exemple suivre les bus par des policiers en voiture banalisée, mais cela n'a pas suffi. Grogne des prisonniers à Lantin, une trentaine de détenus ont refusé temporairement de regagner leur cellule hier en fin d'après-midi. Cette attitude de mécontentement pourrait être due à l'arrivée annoncée de nouveaux prisonniers en provenance de la prison de Verviers qui doit fermer fin octobre. Des services de police ont été envoyés sur place, mais ils n'ont finalement pas dû intervenir. Ce matin, la FGTB mobilisera une centaine de militants pour manifester devant le siège du MR à Bruxelles. Le syndicat socialiste s'oppose à la suppression progressive des prépensions prônées par le mouvement réformateur. La FGTB affirme que relever l'âge de la prépension d'une minorité ne résoudra pas la question. Elle affirme par ailleurs que le système des prépensions coûte moins cher que le chômage à la collectivité, notamment parce que les employeurs versent une cotisation sociale. Le service public de Wallonie s'attaque à la cigarette et plus particulièrement aux fumeurs. Les fonctionnaires qui fument doivent désormais pointer. Le temps passé à fumer sera donc décompté de leur temps de travail. Les agents sont aussi invités à fumer dans les cours intérieurs des bâtiments ou les parkings extérieurs, en tout cas hors de la vue des passants. Une aberration pour les syndicats qui dénoncent une nouvelle stigmatisation des fumeurs. De plus en plus de Belges sont trop démunis pour se nourrir. Le nombre des personnes qui font appel à des associations pour pouvoir se nourrir ne cesse d'augmenter et ce sont de plus en plus des Belges. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le quotidien flamand de Morgen. Chaque mois, entre 500 et 700 personnes reçoivent des colis de nourriture. Au chapitre économique, les bourses asiatiques sont en net repli à l'ouverture ce matin, accusant les mauvaises nouvelles en provenance de la zone euro où la Grèce a fait savoir qu'elle n'atteindrait pas ses objectifs de réduction du déficit. Et puis enfin, en sport football, dimanche, en 9e journée de championnat, Anderlecht s'est imposé face à Genk 1-0. Le Standard l'a emporté également face au Lyrs 2-0. Berscott et FC Bruges se sont quittés sur un partout. 7h33, 7h33 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant. L'anticyclone qui nous baigne de soleil depuis une semaine commence à donner quelques signes de faiblesse. Mais pour aujourd'hui, tout va bien. Soleil sur tout le territoire. Température jusqu'à 27 degrés. Demain, retour des nuages. Eh oui, profitez-en bien. 7h34, c'est l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Avec Julie, bien sûr. Alors, on se rappelle évidemment du drame Apple Pop. Ah, bien sûr. Donc, il y avait eu une tempête meurtrière, puisqu'il y avait eu 4 à 5 morts quand même. Et donc, maintenant, les festivaliers pourront être avertis par SMS des gros orages. C'est l'Institut Royal Météorologique, donc l'IRM, qui va mettre sur pied un service météo spécial pour les festivaliers afin de contribuer à éviter des drames comme celui de Pokelpop. Donc, ils pourront être prévenus par via Twitter ou via SMS s'il y a un orage sérieux qui menace la région où ils se trouvent. Espérons surtout que ce ne sera pas facturé 17 euros le SMS. Non, mais ça, je ne pense jamais, pas. Hein. À la demande des organisateurs, ils pourront donc établir des prévisions pour une zone géographique précise, parce que c'est ce qu'on l'a un petit peu, on l'a reproché à l'IRM, hein, ouais. qu'il n'avait pas prévenu qu'il allait avoir des terribles orages. Alors bon, il l'avait prévenu, mais ils n'avaient pas exactement prévenu de l'heure en fait. Voilà, c'est ça. Donc du coup, forcément, ça aurait pu éviter des problèmes. Et alors, c'est des messages gratuits. Ah bon, ça va alors, c'est bien ça. Donc envoyés par SMS pour vous prévenir s'il y a des grosses intempéries à prévoir et donc éviter ce genre de drame une nouvelle fois. Très bien. Bon ben voilà, bonne nouvelle. Tiens, 7h35 sur Fun Radio. Bon, vous répétez la petite énigme qui colle, là, on vous donnera la réponse dans un peu plus de 10 minutes. Autrefois, le maître en frappait le cancre, qui la redoutait, utilisé par le dessinateur. Elle doit être suivie par les joueurs. Qui est-elle? Écran plat gagné. Il y a également des micro-chaînes Philips, il y a également des appareils photo numériques Samsung, ou encore les packs Nintendo Wii avec la console et les jeux. Si vous avez la bonne réponse, 6322 par SMS, c'est un euro le message. Autrefois, le maître en frappait le cancre, qui la redoutait. On peut mettre des clous aussi parfois, mais ça c'était vraiment il y a longtemps, qui la redoutait, utilisée par le dessinateur. Elle doit être suivie par les joueurs. Qui est-elle? On peut dire aussi une latte, mais ce n'est pas la bonne réponse, hein, parce que j'ai vu qu'on avait envoyé latte aussi sur les SMS, donc c'est pas ça. Si vous voulez, n'hésitez pas. En général, c'est vrai qu'on doit la suivre, hein, c'est comme ça, il y a... Ah oui. Ouais, voilà, c'est, on a pas le choix, même si ça fait chier, il y a parfois... C'est ce qu'on appelle aussi d'ordre intérieur. Oui. À l'école, par exemple. Oui, hein, c'est d'ordre intérieur. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, 6322, bonne chance. Et on va s'écouter maintenant le son d'Avicii avec Florida, c'est Levels sur Fun Radio. Le son d'Avicii à l'instant sur Fun Radio avec Florida, c'était Levels. Bonne matinée tout le monde, il est 7h39 ce matin sur Fun Radio. Et nous allons maintenant faire un petit réveil à Belgique avec notre ami Sébastien Loeb, qui est donc à Bruxelles, qui est donc là pour un petit réveil à Belgique. Allô Loeb. Allô. Ah voilà, il m'entend. Oui, j'entends bien. Parfait, très bien. Tu es donc là pour un petit Mickaël réveil à Belgique, Loeb. Et tu es dans quelle région là? Alors je suis à côté de Forêt Nationale. D'accord, non, donc pas loin de la radio, hein, t'étais à Liège vendredi, à Charleroi jeudi, je pense, si mes souvenirs sont bons. Namur, oui, tout à fait, c'est moi qui dis la merde, autant pour moi. Tout à fait. Même pas, voilà. Mais si tu peux, oh là là, je ne peux même pas tout de suite se sentir agressé, mais... mon Dieu, voilà, on censure. Oh là là. Voilà, bon. Maintenant ma blague tombe à l'eau, je n'ai plus envie de la dire. J'ai peut-être sauvé les meubles, là, qui sait. Bon, Loeb, alors tu es. C'est énorme en plus, tout le monde aurait été mort de rire. Oui, bah écoute, dis donc. Tu vas réveiller la Belgique donc? Ok, ouais. Alors donc, je suis devant le bâtiment et je vais crier vu qu'il n'y a pas moyen de rentrer vraiment à l'intérieur du bâtiment. Donc je vais crier pour tous les gens qui sont en train de chez eux. Oui, c'est surtout pour les voisins. Hein. Sorte du lit. Très bien, allez, mais c'est oui, parti. C'est feignant, lève-moi, c'est feignant. Munis d'un mégaphone. Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à te jeter des œufs ou pas? Ouais, c'est ça. Tu as commencé déjà à recevoir des tomates ou des œufs? Je regarde, j'attends, j'ai fait ses devoirs, j'attends. En plus, j'ai faim pour une petite tomate là, pour déjeuner ce matin. Ouais, mais non. Ah, déception totale. Il y a un réveil de Belgique tous les matins sur la radio. Eh ouais, bah. Bon, ça marche pas. Ah, justement. Dommage. Ah, ça marche. Ah, ben voilà. Ça y est, ça se bouge. J'ai pas encore plus de tomates dans la gueule. Mais t'inquiète pas, ça va venir. Hein. Ça va venir, reste encore un peu, elles vont arriver. Donc, si vous êtes pas loin de Forêt Nationale à Forêt à Bruxelles et que vous voyez un espèce de débile avec un mégaphone en train de gueuler ça comme un dingue en dessous de, votre terrasse, n'hésitez pas à vous lui jeter des œufs en pleine tronche. Voilà. Mais des beaux, hein. Bonjour. Des beaux gros. Il y a un monsieur au dernier étage, il me fait pas signe, il me regarde d'un air menaçant. Mais j'appelle la police. Ah, vous m'avez réveillé, j'appelle la police. Vous êtes sur ligne d'écoute. Oui, mais je vous appelle pas. C'est pas grave. Ah bon, d'accord, ok, bah très bien. Par contre, il y a des pots de fleurs, il y a des pots de fleurs au dernier étage, j'ai peur de les voir arriver sur ma Oui, là, par contre, tu peux te barrer très vite. Hein. Bon, reviens ici à la radio, Lob. Ok, allez, à tout de suite. Bon, et si vous aussi voulez faire un petit réveil à Belgique, si vous voulez réveiller vos voisins, n'hésitez pas, bien sûr, à vous inscrire sur le 3044 en débutant le message par réveil. Bon, et vite fait. Pour ceux qui ne regardent pas la télé, vendredi sur France 2, il y avait un reportage sur l'armée française en Afghanistan. Allez, c'était du lourd. C'était... Enfin ouais, bon après, tu sais, si c'est un peu comme le truc là avec Harry Roselmack, une immersion, tu sais, c'est un peu à l'eau de rose. Hein. Ouais, c'est des reportages un peu de merde. Non, ici on apprend vraiment à connaître l'armée française. Alors l'émission s'appelle C'est pas le pied la guerre, et tous les clichés que vous avez sur l'armée, eh ben, je vous rassure, ils sont vrais. Alors écoutez, là ils viennent de balancer une bombe sur un village. C'est beau. Tu filmes ? C'est pas le pied de la guerre. C'est pas le pied de la guerre. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, on peut se dire oui, mais bon, c'est le concept de l'explosion, c'est joli, etc. Mais écoutez, voilà de suite là. Eh, va y avoir de la viande ce soir. Celle-là, elle sera pas périmée. Ouais. Voilà, donc comme moi, vous voyez, hein. Ouais. Voilà, bien ah, place, qu'est-ce hein. qu'ils sont drôles, ces militaires, quand même. Ouais. Toujours le petit mot pourri. Ouais. Hein. Mais alors, c'est pas tout, hein. C'est pas tout, à votre avis. Que fait un militaire quand il n'est pas au combat, Julie ? Mais écoute, il dort, il fait une pause. Ouais, top. Non, il se cultive, il lit. Un militaire est un homme intelligent. Non, pas du tout, il utilise son ordinateur. Aujourd'hui, on ne donne plus de bromure aux hommes, mais ils peuvent apporter leur ordinateur portable avec les vidéos qu'ils souhaitent. Ça dépanne bien, les ordinateurs, les films. On arrive à se satisfaire. Ah ok, d'accord. Maintenant j'ai compris ce qu'un militaire faisait quand il n'était pas en guerre. Voilà. Et oui, c'est dingue quand même. Mais vous allez voir que les militaires français sont des gens vraiment classe. Hein. Quand on leur demande ce qu'ils vont faire, bah, une fois revenus en France, la priorité c'est... Sa priorité c'est un resto. C'est une merde. Tu regardes la vidéo, ce qui va sûrement arriver. Je vais défoncer ta chair. Et ils rigolent, ils sont contents. Ah ben voilà. Voilà, okay. La bonne nouvelle. Hein. Les militaires ne sont pas très. Non, mais c'est ça. C'est un peu dérangé, quoi. Si, le militaire est classe. Tout ça fait, toujours la classe, la grande classe. Je fais défoncer. Ta sœur, voilà, c'est ça. Il faut bien préciser les choses. Bon, dans un instant sur Fun Radio, c'est DJ Fresh. Ça va vous aider à sortir du lit, bande de feignasses. Oui, c'est sûr. Vous dormez encore, c'est terminé. Ouais, et on va revenir aussi dans un instant avec la ligne anti-relou et les infos trafic. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Bonne matinée, les 7h44. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio, bienvenue, 7h47, qu'est-ce qui se passe sur les routes, Julie ? Eh bien, la circulation est fortement ralentie sur le 411 Bruxelles-Namur en direction du Luxembourg à hauteur de Mélier. Eh bien, c'est au kilomètre 156 que ça commence à ralentir. Alors, j'aimerais vous rappeler, enfin, je ne vous l'ai pas encore dit, je pense qu'il y aura des gros contrôles de camions à la frontière de l'Allemagne et la Belgique. Donc, d'accord. Dans ce sens, il y aura certainement de gros ralentissements également. Très bien, donc faites gaffe si vous êtes sur la route, levez le pied. Et puis, si vous êtes témoin d'un problème, d'un radar, d'un accident, d'un bouchon, n'importe quoi, venez nous en parler. 3044 par SMS, c'est 50 centimes le message. Comme ça, on peut prévenir les autres auditeurs. Et puis, vous pouvez aussi faire un petit mail. C'est gratuit, du coup, c'est mikl@funradio.be. 7h48 sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde et bon lundi. On va se faire la ligne anti-relou maintenant. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et oui, c'est sur Fun Radio que ça se passe chaque matin, la ligne anti-relou. Les meilleurs messages laissés, ce week-end dans l'occurrence, hein, c'est sur cette ligne anti-relou, le 0 473 86 00 13. Dieu sait qu'il fonctionne ce numéro le week-end, puisque oui, vous êtes nombreuses. Mais oui, vous êtes nombreuses à vous faire emmerder par des relous, les filles. Et nombreuses, c'est pour ça. Et nombreux. C'est vrai, mais oui, surtout nombreuses. Les filles, on ne sait pas vraiment. Ouais. Ouais. Non, mais c'est surtout nombreuses. Faut quand même le dire malgré tout. Hein. Ouais. Donc voilà, si vous avez envie d'utiliser ce numéro, eh bien retenez-le par cœur. Et quand vous croisez un relou qui vous prend la tête, plutôt que de lui donner votre numéro de téléphone pour être tranquille pour la soirée, mais du coup être emmerdé les autres jours, donnez-lui notre numéro. Et nous tous les matins, on écoute les meilleurs messages. Commençons par celui-ci. Transcochane. Ah, mais d'accord. C'est pas mal, voilà. C'est mignon celui-là. Ouais. À mon avis, il a dû se faire plaquer lui. Hein. Non, ah ben oui. Je pense, ouais, je pense. J'aime bien le concept de grosse. Allez, deuxième message. C'est Christiane. Je viens de une petite soirée sur sur chatroulette avec les petits jeux cochons, ouais, tu sais bien. Bonjour Christiane. Ce serait bien que peut-être un jour qu'ils te reconnaissent comme ça, mais ça oui. Peut-être plus de chance de te retrouver. Mais oui, bonjour voilà, Christiane. Je pense à toi. Mais oui. Je me caresse. Oh. C'est bien. Allez. Bisous. Allez, je me caresse, tu sais bien. Mais oui, allez, bisous. Bon, eh ben voilà, ça c'est le premier, le deuxième et le troisième maintenant. Ouais, c'est Jean-Luc, je me reviens à te voir. Et ouais, en fait, je m'appelle Jean-Luc, ça te plairait qu'on se revoie un jour? Ah ouais, je m'appelle Jean-Luc, hein. Allez, tchuss ma poule. Et ben voilà. Alors petit bon jeu, comment s'appelait-il oui, c'est ça. Robert. Marc. Ah mince, c'est ça. Putain, dommage, il aurait dû dire son nom une fois de plus, hein, parce que du coup, on l'a là, pas retenu. On l'aurait peut-être retenu, ouais. Ah, c'est dommage. Bon, allez, je vous répète une dernière fois l'énigme qui colle. Autrefois, le maître en frappait le cancre, qui la redoutait. Utilisée par le dessinateur, elle doit être suivie par les joueurs. Qui est-elle? On peut aussi dire... là, d'ordre intérieur, par exemple. C'est quelque chose qu'on doit suivre et ça fait chier souvent, hein, en règle générale, on déteste ça. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message. Écran plat à gagner. Appareil photo numérique Samsung, micro chaîne Philips ou encore les packs Nintendo Wii avec la console, les manettes et les jeux. Bonne chance tout le monde, 6322, c'est 1€ le message. Et on s'écoute DJ Fresh maintenant sur Fun Radio, 7h51. Bon réveil. Ça va, vous êtes réveillés là? Tranquille? Mais tant mieux. Bon, c'est 54. Malade. DJ Fresh à l'instant. Mais il était bien le son là. Du fou ce mec quoi. DJ Fresh personne avec le Personne n'a envie de se faire réveiller comme ça quoi. Monsieur. Personne. Ok, non. Ça, d'accord, ok, ça fout la pêche. Mais toi qui hurle, non. Quoi? Oh non, c'est horrible. C'est un problème. Bonjour, oui, bonjour à tous, réveillez-vous, ouvrez vos petits yeux. Oh là là, mais là, c'est sur les radios de vieux ça. Ouais, attends, ça va, c'est j'essaie sur les de radios, rattraper, tu vois. C'est sur les radios pour les presque morts où on est avec une voix mielleuse là. J'essaie de faire la balance parce que tu vois là, t'as été exagérément violent. Quelle exagération. Je suis donc exagérément douce. Il va faire beau aujourd'hui, levez-vous, 27 degrés. Regarde ça, putain. Bah quoi, ça va. Alors que nous on était sur Radio Patate et là on est retombé sur Radio Déprime. C'est exactement ça. Bon, alors on va dans quel coin de la Belgique cette fois, Tof? Je propose d'aller vers la Louvière, ça me semble sympathique comme endroit. C'est vrai. Et ce matin, donc, tu te prends pour le messager de Dieu. Mais voilà. C'est ça, j'essaye de sauver le monde comme Demi Moore et Ashton Kutcher essayent de sauver leur mariage. Ils se tournent vers Dieu pour sauver ça. Mais oui, bien sûr, Dieu est la solution. Mais oui. Et tu appelles pour donner la bonne parole, c'est ça? C'est ça, je suis là, j'apporte la parole du Christ. D'accord. Le Christ est parmi nous, le Christ rédempteur est là. Ouais. C'est comme il y avait un panneau aussi quand j'étais au Portugal. En arrivant vers Lisbonne, il y avait un grand panneau sur l'autoroute. C'est comme ici, t'as des pubs pour le week ou n'importe quoi. Et là, t'as un mec avec un mec qui a l'air triste avec la main sur le front, c'est au bord du suicide, quoi. Et il est marqué la solution, Dieu. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors on est sauvé. Hein, parce que moi-même, j'étais au bord du suicide, j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah oui, je suis bête. Ah oui, t'as compris que Dieu était là pour te sauver. Mais je suis con, oui, bah, effectivement, j'avais pas pensé à ce détail. Chez nous, sur Fun Radio, Toff est là pour nous sauver. Mais et oui, ça, oui, c'est bien. Évidemment. Je suis le messager de Dieu, je vais vous sauver. Tout à fait. Je vais vous ramener dans le droit chemin. Merci, Toff, merci à toi. Bon, allez, on va appeler à la Louvière. On signale un gros bouchon aussi au carrefour à Nimi en direction de Mons. Merci pour l'info, 3044. Allez, c'est parti. On appelle à la Louvière pour le messager de Dieu. Allô. Alléluia, monsieur. Alléluia. Hein? Dieu est parmi nous. Dieu est parmi vous. Dieu est avec vous. Alléluia. Monsieur, c'est qui, toi? Dieu nous a réunis pour que je vous aide à trouver la voie. Pour que je vous ouvre le chemin. Ah oui, bah, il a bien ouvert le chemin, là. Mais oui. Ah, il a bien ouvert le chemin. Il n'a pas encore pris la conscience du message que je lui apporte. Mais il faut lui rappeler. Enfin, on va le rappeler. Non, mais évidemment. Il faut le sauver. Allez, on va le rappeler. Puis on a la réponse à la petite devinette qui colle de ce matin. On aura Chorley. Allô. Monsieur, ne refusez pas la parole du Christ. Oui, c'est qui, toi? Tout de suite. Je suis le messager de Dieu. Je oui, vous... Ça va, reste seul avec Dieu, là. Reste seul avec Dieu, alors. Oui, pourquoi pas, c'est une idée. C'est une idée comme une autre. Reste seul avec Dieu, alors. Ben oui, reste seul avec Dieu, pourquoi pas. Ouais. Bon, eh ben on restera tout à l'heure, hein. Pour l'instant c'est échec total. Échec total et cuisant, Tof. Les gens ne comprennent pas que Dieu est avec eux. Ouais, bah ça doit être ça Dieu le problème. Que Dieu est miséricorde. C'est vrai, ça doit être ça le souci. Bon, mais ça doit être ça. On a Chorley qui est avec nous maintenant, 31 ans de Liège. Salut Chorley.

j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Oui, bah j'espère pour toi, mais qu'est-ce que tu fous sur un parking, c'est ça la question. Et pourquoi es-tu bloqué aussi? Bah ouais. Et puis quel parking? Et bah je sais pas. Travaux boulevard Émile Skevenels à Lessines, route fermée dans un sens après l'usine Baxter, déviation des camions, des carrières vers le centre-ville. Voilà, bah merci à toi pour l'info. Fun Radio. Fun Radio. Et à 8h04 sur Fun Radio, nous allons maintenant passer à l'info en plus. Le Mexique en a marre des divorces. Oui, bah ça c'est clair. Ils en ont marre de la drogue aussi, mais enfin c'est un autre problème. Oui, plus particulièrement la ville de Mexico, qui a décidé de lancer les contrats de mariage de seulement 2 ans. Donc ce sont des contrats à durée déterminée. Mais c'est fort ça, je trouve ça bien. C'est comme un vrai contrat à durée déterminée, c'est-à-dire que tu peux pas te séparer avant la fin. Ouais, c'est ça, peut-être. Ah oui, ça, je suis pas certaine. Non, je pense que tu peux évidemment divorcer avant la fin. Mais bon, le but est de lutter contre le taux important de divorce. Donc j'explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc si après ces 2 années de vie commune, les mariés sont toujours amoureux, eh bien ils pourront renouveler le contrat. Par contre, sinon, le contrat donc signé 2 ans plus tôt permettra de savoir comment diviser les biens et comment ça va s'organiser avec la vie des enfants, etc. Qui garde le chien, ouais, voilà. Qui garde le clef, donc tu n'as plus besoin de passer par un divorce et ce genre de oh, c'est bien. C'est pas mal, mais alors le problème c'est que si l'un des deux est blindé, c'est comme quand tu vas bosser dans une société, c'est un contrat à durée déterminée, bah, t'as pas les avantages après. Oui, bah, ça évidemment, oui. Ouais. Merci de penser directement à l'argent. Je te reconnais bien, bah, Mickaël. C'est normal, il faut y penser. Alors évidemment, l'Église, bah, c'est pas au goût de l'Église. Hein. Elle a fortement critiqué cette proposition. Oui, de toute façon, il ira tout le temps. Donc. De loi, parce qu'il faut quand même rappeler que le Mexique est le pays où il y a le plus de catholiques dans le monde après le Brésil. Donc ouais, ça risque, je suis pas sûre, donc c'est une proposition de loi, donc c'est pas encore passé le mariage à durée déterminée, mais bon, ça risque de poser quelques problèmes. Moi je trouve ça bien. Bah pourquoi pas, écoute. C'est un bon plan, ouais. Écoute, bah, bien, on enlève un petit peu le côté romantique du mariage. C'est vrai, même, qu'est-ce que vous en pensez, c'est vous, pas romantique, un mariage. Mais non, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes parce derrière que tu la radio es seul, là Tof, que tu dis ça. Peut-être, ouais. Mais non. Vous qui êtes derrière la radio dans les embouteillages, peut-être là, est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage à durée déterminée, genre 2 ans, comme au Mexique, ils veulent faire passer la loi. On voulait savoir si effectivement ça pourrait être bien ici aussi. Donc dites-nous, hein. 30-44 par SMS et 50 centimes le message ou mikael@funradio.be. Bah, on en parle dans un instant. Ils vont t'envoyer des messages en disant mais oui. Bon, on paye vos factures aussi au 6322 code facture et on écoute David Guetta. David Guetta sur Fun Radio à l'instant, 8h09. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Et tous les matins, effectivement, on paye vos factures sur Fun Radio. 7h10, 8h10 et 9h10 avec vos messages qui arrivent au 63-22 par SMS. En débutant le message tout simplement par facture, comme là par exemple facture de 121€ pour l'assurance de la voiture. Facture également de 97€ pour Belgacom, 70,45€ pour Mobistar, 35€ pour le foot des enfants, 115€ pour le GSM, 77€ pour un pull. D'accord, très bien. Bon, eh bien, appelons maintenant live and direct donc pour les factures. Allez, c'est parti, on appelle quelqu'un qui s'est inscrit maintenant. C'est parti, ça compose et ça devrait sonner. Et si il ou elle décroche et répond à la question que je lui pose, c'est gagné. Ça sonne, c'est magnifique. Alors, on rembourse combien Tof? 60€. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Qui te paye tes factures tous les matins? Fun Radio. Oui, c'est Fun Radio, bien sûr. Comment tu t'appelles? Isabelle. Isabelle, bienvenue Isabelle, t'as quel âge et dans quelle ville? J'ai 37 ans, Charleroi. Charleroi, 103.5 et la grève aujourd'hui à Charleroi. Ah oui. Eh oui, bon courage. Ah ouais, hein. Pour pas changer. Ah bah pour pas changer. Hein. Bah, en même temps, pour ouais. pas changer, il y a des abrutis qui mettent des briques dans les bus. Donc, oui, non, oui. Je pense, c'est vrai, ouais. Tu sais, au bout d'un moment, je me demande si t'es. Parce que c'est que des gamins qui font ça, c'est les gamins ils se disent pas c'est cool si je mets une brique dans le carreau du bus. J'ai pas d'école. Y'a pas école demain. Bah ouais. Voilà, c'est ça, j'irai pas à l'école. C'est ça. Bah, en fait, ouais. Moi, si je prenais une brique, moi je mettrais 2 fois plus de bus. Pour être sûr qu'il rate pas le bus, c'est ça le gamin. Voilà, c'est une bonne idée ça. Ouais, c'est une idée, ouais. Bon, alors, du coup, tu veux qu'on te rembourse une facture de 60 boules, c'est ça, à peu près? Oui. Alors, oui, c'est ça. C'est pour payer quoi? Un huissier. Un huissier. Bon, eh ben, écoute, pas de problème. On va t'a payer, hein, ta facture de huissier, là. 60€, c'est pour toi, y a pas de problème. Tu vas rester au standard, on prend tes coordonnées, on t'explique tout comment ça marche. D'accord? Ça va, merci. Je t'en prie, c'est très français, ma phrase. Oui, c'est pas vrai. On se retrouve dans les chiens, c'est ça, ouais. Bon, ben, bonne journée. Et puis les autres, si vous voulez qu'on vous rembourse également votre facture, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. 63-22 pour les inscriptions. Vous débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et on vous remboursera dans un instant avec plaisir. Restez là également, puisque dans un instant il y aura Doudou avec l'horoscope. Il y aura également la nouvelle énigme pour repartir avec des écrans plats, des appareils photo, des chaînes stéréo également, ou encore des consoles Wii Nintendo. Ce sera à gagner dans un instant. Et puis on va se mettre aussi le son de Kate de Luna. Kid Luna et Fatman Scoop dans un instant. Drop It Low. Bonne matinée, bon réveil, 8h12. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Et bonne matinée, 8h13. Plus de pub maintenant et Kate de Luna qu'on écoute avec Fatman Scoop. C'est Drop It Low sur Fun Radio. Kate de Luna sur Fun Radio avec Fatman Scoop. C'était Drop It Low. Et un message qui dit ça existe déjà en Allemagne pour un CDD de 7 ans apparemment, les mariages à durée déterminée. Bah non, allez, arrête. Bah je sais pas, c'est ce qu'il dit a priori. Hein. Bon, allez, vérifie ça tout de suite. Alors je suis en pleine déprime, ma copine avec qui j'étais avec depuis un an et demi, elle m'a plaqué et une semaine après était voir quelqu'un. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je vais pas dire oui, je vais pas dire non, mais après ça dépend du concept, tu vois. On sait pas exactement ce qui s'est passé dans ta life, mais bah je sais pas. En tout cas, Julie va trouver ça. Oh, c'est très dur, le pauvre. Non. Non. Je te jure, alors là. 8h17 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Dans un petit instant, il y aura l'horoscope. Mais avant cela, c'est la petite devinette qui colle pour repartir avec un écran plat, avec des packs Nintendo Wii, console et jeux et manettes à l'intérieur, évidemment. On vous file également des appareils photo numériques Samsung ou encore des micro-chaînes Philips. Écoutez bien, même noué, on peut encore l'épingler. Coup bien lancé qui peut être meurtrier. Qui est-elle? La cousine de ce que Elio Di Rupo porte tout le temps autour du cou. Un truc long qui fait chier le monde en règle générale. Hein. Enfin, qui fait chier, parce que tu vois, c'est serré, ça serre. Ça tirait vraiment pas du tout, je pense. Ah, mais ça ne me va pas, je te le confirme. Donc, il n'a pas la classe pour porter ça. Voilà, en général, on appelle ces gens-là des costards. Oui. Voilà, donc c'est les mecs qui sont. Comment donner une devinette plus facile que ça, quoi? Oh, bah, tu sais, pas, au début, tu trouvais pas hein, quand je l'ai posé. Tu m'as dit, ah, je vois pas, je suis trop bête, je ne comprends non, pas. Je ne vois sûr, absolument pas. C'est bien d'inventer des choses comme ça. Je ne vois pas, je suis Julie, je suis bête, écoute, je n'ai pas compris. Invente. Allez, Doudou maintenant avec. L'horoscope. C'est parti, l'horoscope. Donc maintenant, on va faire. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Je voulais savoir si vous habitiez pas près de Soigny. Bah, pas forcément loin, mais. Pas vraiment à côté, pourquoi? Ah non, comme ça, c'est parce que c'était pour être sûr et tout, mais... Voilà. On est sûr de quoi? Bah, sûr de quoi? Que c'était pas vous qui avez gagné les 16 millions d'euros? À l'euro million. Ah, l'euro million, non, mais je joue plus à ce jeu, là, c'est fini. Ah oui, j'ai trop perdu, là. Ah oui, ça vous fait mal au cœur d'apprendre que c'était un Belge qui avait gagné, non? Bah, je suis content pour lui, tu vois, enfin, je m'en fous. Donc c'est pas moi, Mickaël, je m'en tape. Tu as bien changé, mais que t'arrive-t-il? Non, mais je m'en tape parce que j'ai pas joué. Si j'avais joué, j'aurais la rage. Ah oui, ça c'est sûr. Mais là, j'ai pas joué, donc voilà, c'est tout. Il a raté les 16 millions, c'est dommage. Peut-être. Bon, les béliers, allez, hop, c'est parti. Profitez de cette journée pour faire le point sur vous et votre entourage. Encore? Bon, les taureaux. Eh ben, faites pareil. Ah bon? Ah ben. Très bien. Bon, bah les gémeaux alors. Gardez votre sang-froid et soyez un peu méfiants. Les cancers. La pensée logique, ce n'est pas votre force aujourd'hui. Les lions. Veillez à boire suffisamment d'eau. Les vierges. Vos problèmes ne se résoudront que si vous les prenez à bas le corps et sans attendre plus longtemps. Les balances. Mettez de l'ordre dans vos idées et faites une pause. Oh oui, faites une pause. Mais oui. Les scorpions. Le mieux, c'est de réaliser votre tâche rapidement en profitant de votre bonne humeur ce matin. Parce que cet après-midi, vous allez avoir un caractère de cochon. Ah merde. Les scorpions. Les sagittaires. Les sagittaires, oui. Prenez le temps de laisser libre cours à vos idées sans pour autant négliger votre travail. Les capricornes. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, surtout en amour. Les verseaux. Mettez la pédale douce. Et pour finir, les poissons. Ce qui pourrait vous poser un problème, c'est le manque de confiance et des hésitations. Eh ben oui, c'est ça comme un peu vous aussi. Oui, c'est ça, Des bon. C'est un mot difficile. Bah oui. Doudou, on vous retrouve dans une heure. C'est le matin, moi j'ai encore la bouche pâteuse. Hein. Bah oui, j'imagine. On vous retrouve dans une heure. Bah oui, dans une heure ou deux. Ou trois. Non, une heure, c'est rare. Bon, alors je vous répète la petite devinette qui colle, parce qu'il y a une réponse drôle qui est arrivée. Même noué, on peut encore l'épingler. Coup bien lancé, qui peut être meurtrier. Qui est-elle? J'ai dit que c'était la petite cousine de ce que Elio Di Rupo portait au cou tous les jours. Et il y a quand même quelqu'un qui a proposé un nez papillon. un nez comme le nez, hein, voilà. Donc, ce n'est pas la bonne réponse, c'est un truc long aussi avec un nœud autour du cou, voilà. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message, écran plat à gagner, pack Nintendo Wii. Il y a également les chaînes, micro-chaînes Philips ou encore les appareils photo numériques. Bonne chance tout le monde, et à 8h21, on va écouter le son de Matin Heads maintenant avec Eden Martin, c'est Trust You Again. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Don't you try. Matin Heads sur Fun Radio, 8h24. Bon réveil tout le monde. C'est Mickaël à la radio, on est ensemble jusqu'à 9h30. On vous remboursera vos factures encore une fois tout à l'heure. Et on jouera aussi la devinette qui colle. Ça va arriver dans un instant. Je vous la rappellerai pour ceux qui viennent de débarquer. Il n'est jamais trop tard, rassurez-vous. Mais avant cela, nous allons maintenant jouer. Enfin, pas jouer, mais en tout cas faire une petite déclaration express avec Sébastien Loeb qui est ici présent. Oui, salut. Oui, salut. Salut Sébastien Loeb. Salut, c'est Sébastien Loeb. Salut, voilà. Salut, c'est Sébastien Loeb. Bon. On va donc faire une petite déclaration express. C'est Dominique qui voulait faire une déclaration express. Salut Dom. Ah bon, non, comment ça? Non, non, Dominique. En fait, c'est non. Greg qui voulait faire une déclaration express à Angélique. Et c'est sûrement Angélique qu'on a au téléphone. D'accord. Alors. Non, on n'a pas encore Angélique. Je vais appeler Angélique puisque Greg ne décroche pas. Ok, ah, voilà. mais d'accord, ok, très bien. Ah et oui, d'accord, mais. Dominique. Non, mais Greg ne décroche Dominique. Pas. D'accord, ok. Pourquoi non, mais alors, on va s'en sortir. C'est que dans le standard, c'est de la merde. Autant pour moi. Pas mais de non, problème. Dominique, c'est pour autre chose. D'accord, ok. Mais pas de problème. C'est juste que je ne le savais pas. Donc, comme tout est là, pour moi, c'était logique comme de l'eau de roche. Bon, alors, ok, pas de problème. Donc, du coup, on appelle qui maintenant? Angélique. Parce que l'autre, il décroche pas, c'est ça? Voilà. Très bien. Voilà. Et comment il s'appelle l'autre? Il s'appelle Greg. Ouais, d'accord, ok. Putain, ça allait bien jusqu'à ce que Julie arrive dans l'équipe. Non, ça allait bien jusqu'à ce que vous passiez au morning. Et c'est là, ça, ouais. Là, c'était difficile. C'est pour ça, vous. Ouais. D'ailleurs, ça ne décroche pas, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Mais... Ouais, mais tu l'as mis en ligne. Bah oui. Ah oui. Ah oui, bah ça décroche pas. On n'entend même pas sonner. Ça ne sonne même pas, c'est pour te dire. Allô ? Allô ? Ah bah voilà. Allô ? Ça ne sonne pas, en fait, parce qu'elle est déjà en ligne. Bah oui, elle est déjà en ligne depuis tout à l'heure là. Bonjour, c'est Mickaël, tu es en direct à la radio sur Fun Radio. Ça va bien ? Je t'appelle pour une petite déclaration. Bah oui, ça va plutôt bien. Je t'appelle pour une petite déclaration express faite par quoi? Alors qui maintenant? Parce que je me souviens Greg, plus Greg, de Greg. Greg. Suivre, tu, s'il connais, te plaît. Tu connais Greg? Oui, je l'ai vu une fois. Ouais, c'est un connard, je veux plus lui parler. Tu l'as vu une fois. Et donc lui apparemment voudrait éventuellement te revoir peut-être plusieurs fois. Et donc du coup il nous a appelé pour faire une petite déclaration express. Sauf qu'il n'a pas eu les colonnes de passer à l'antenne avec nous. Et donc du coup écoute bien ce qu'il avait à te dire. Ça va, écoute bien. Écoute bien, écoute bien. Oh là, Rhythm. Je t'ai vu, je pensais que j'avais tout vécu. C'était au coin de la rue que j'ai pu mater ton cul. Il était dur et bombé, quelque peu siliconé. Non, j'ai pas pu le toucher, mais longtemps je l'ai maté. C'était un matin, pas loin de toi, ton jeans me rendait fou tous les matins. Je pense à toi quand je suis chez moi. Que le matin, si je pouvais, je m'occuperais de ton boule. Mais tu veux pas, non tu veux pas, non tu veux pas. Ah, ah, montre-moi tes fesses, montre-moi tes fesses, montre-moi tes fesses. Non, serre pas, y'a rien qui presse. Donne-moi tes fesses, donne-moi tes fesses, donne-moi tes fesses. Je te promets, tu seras en liesse. Wouh. Et voilà cette petite déclaration express. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça t'a touché? Ça t'a ému? Oui et non, parce que je comprends qu'il veut un plan cul. Pas du tout. Ah non, c'est pas non, ça. Ça c'est Loeb qui écrit ses paroles et Loeb ne peut pas s'empêcher de parler de fesses. Voilà, non, t'inquiète pas. Après, attention, je ne dis pas qu'il n'en veut pas non plus. Hein. Je le connais peut-être pas et comme veut, il n'est pas là. Tu veux un plan cul et beaucoup d'amour. Et peut-être beaucoup d'amour, on ne sait jamais. Ouais. Bon, toi-même physiquement, es-tu attiré ou pas du tout? Peut-être que oui. Peut-être que oui. Il y a donc une ouverture. Peut-être qu'il y a une grande histoire d'amour qui va commencer. Bah peut-être. C'est déjà ça en tout cas. Bon, écoute, bon, en tout cas, la meilleure chose à faire, c'est de vous voir, hein, ou de vous appeler. Et puis de nous tenir au courant surtout, d'accord? D'accord. Bon, bah super. C'est marrant parce que tout le monde dit d'accord, mais je n'ai jamais de nouvelles. Oui, c'est ça. Ils sont trop occupés après, ouais. Tu vois. Ils ont autre chose à faire. Je n'ai jamais un retour qui dit ouais, on est ensemble. Non, je l'ai dégagé. Jamais j'ai reçu une nouvelle. Bon, bah écoute, merci quand même alors, et puis passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Salut, à bientôt, ciao. Si vous aussi, vous voulez faire une petite... Tu sais qu'on a eu un SMS une fois. Si, si, il y a quelqu'un qui vous a donné des nouvelles. Une fois, c'est vrai. Alors quoi, bah oui. C'est vrai, c'est vrai. Bon, si vous voulez vous aussi faire une petite déclaration express, hein, vous vous inscrivez, 3044, débutez le message par déclaration. Ou alors vous faites un petit mail à Sébastien Loeb, loeb@funradio.be. Restez là dans un instant, je vous rappelle la petite énigme qui colle. Et avant cela, il y aura le son de Jennifer Lopez avec Papy. Et on ira faire un tour du côté de l'info avec Julie. Et puis le signal est passé aussi pour Astérix, hein, là aussi, si vous voulez choper vos places. 6322, code Astérix, 4 places pour le parc Astérix avec Quentin Mossiman à gagner. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. 8h30 sur Fun Radio, allez, je vous rappelle la petite devinette qui colle. Même noué, on peut encore l'épingler. Coup bien lancé, qui peut être meurtrier. Qui est-elle? Voilà, c'est la petite cousine de ce que Elio Di Rupo a autour du cou toute l'année. On peut voir ça comme ça maintenant, hein, toute l'année. Voilà, en général, on appelle les gens les costards. J'ai cru que j'avais donné la réponse quand même, mongol. Donc voilà, les costards et puis quoi d'autre? Si vous avez la bonne réponse, donc 6322, c'est un euro le message. Écran plat à gagner, place... pas du tout. Écran plat à gagner, micro-chaîne Philips, appareil photo numérique ou alors les packs tellement Nintendo Wii. De cadeaux, tu ne sais plus. Trop. Mais oui, de les mettre. Non, mais il y en a trop. Allez, 8h31. On passe à l'info maintenant avec July. Salut à tous, grève à nouveau des bus tech à Charleroi. Les dépôts de Jumet et Janson sont pratiquement à l'arrêt. Les chauffeurs sont en colère une fois de plus. Hier après-midi, un bus a encore été la cible d'un jet pavé. Et ni le chauffeur ni les passagers n'ont été blessés, mais ils sont choqués. 5 mineurs d'âge ont été interpellés. L'un d'eux était en aveu hier soir. Vendredi, une réunion rassemblant des responsables des tech, le bourgmestre et le commissaire en chef de la zone avaient décidé d'intensifier les contrôles en faisant suivre les bus par des policiers en voiture banalisée, mais apparemment cela n'a pas suffi. Grogne des prisonniers à la prison de Lantin. Une trentaine de détenus ont refusé temporairement de regagner leur cellule hier en fin d'après-midi. Cette attitude de mécontentement pourrait être due à l'arrivée annoncée de nouveaux prisonniers en provenance de la prison de Verviers. Prison de Verviers qui doit bientôt fermer ses portes. Et des services de police ont été envoyés sur place, mais n'ont finalement pas dû intervenir. Le service public de Wallonie s'attaque à la cigarette et plus particulièrement aux fumeurs. Les fonctionnaires qui fument doivent désormais pointer. Le temps passé à fumer sera donc décompté de leur temps de travail. Ça, je trouve ça logique, hein. Je suis désolé, c'est pas... Bien voilà, c'est bientôt fait. Les agents sont aussi invités à fumer dans les cours intérieurs des bâtiments ou les parkings extérieurs, en tout cas hors de la vue des passants. Une aberration pour les syndicats qui dénoncent une nouvelle stigmatisation des fumeurs. De plus en plus de Belges sont trop démunis pour se nourrir. Le nombre de personnes qui font appel à des associations pour pouvoir se nourrir ne cesse d'augmenter. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le quotidien flamand de Morgen. Chaque mois, entre 500 et 700 personnes reçoivent des colis de nourriture. L'État belge a hérité d'un montant record de 10 millions d'euros en 2010. Cet argent provient des Belges décédés qui n'avaient plus de famille et n'avaient pas rédigé de testament. Pardon, ce phénomène a fortement augmenté ces dernières années. En 2010, 118 Belges pour lesquels aucun proche n'a pu être retrouvé sont décédés. Le total de leur héritage revenu à l'État s'élève donc à plus de 10 millions d'euros, soit environ le double par rapport à 2009. Toujours au chapitre économique, les bourses asiatiques sont en net repli à l'ouverture ce matin, accusant les mauvaises nouvelles en provenance de la zone euro où la Grèce a fait savoir qu'elle n'atteindrait pas ses objectifs de réduction du déficit. Et puis enfin en sport football, dimanche en 9e journée de championnat, le Standard l'a emporté face au Lyrs 2-0. Anderlecht a aussi mis à mal Genk en l'emportant 1-0 et puis le Berscott et FC Bruges se sont quittés sur un nul un partout. Et je voulais juste vous demander aussi, est-ce que vous... Vous pouvez donner votre avis aussi au 3044 par SMS. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce système là de entre guillemets pénaliser les fumeurs là pour qu'ils doivent pointer quand ils vont fumer leur clope? Ouais. Ça peut être bien de voir si effectivement vous êtes pour ou contre. 3044, vous nous dites. Julie en a parlé dans les infos il y a quelques instants. Passons maintenant à 8h34 à la météo. Alors l'anticyclone qui nous baigne de soleil depuis une semaine commence à donner quand même quelques signes de faiblesse. Mais regarde, bon, là, il y a un petit nuage là. Pour aujourd'hui, tout va bien, ne vous inquiétez pas, le soleil sera encore là toute la journée et sur tout le territoire. Jusqu'à 27 degrés, mais profitez-en bien. Demain, déjà le retour des nuages et baisse des températures. Eh oui, c'est vrai. Toff est engagé pour faire des A et des O, hein, faut le savoir. Oui. 8h34, en passant maintenant à l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Et quelle est-elle, cette info en plus ? Eh bien, ce sont les festivaliers qui seront avertis par SMS des gros orages. Mais c'est une bonne chose, parce qu'on se souvient de Puckle Pop, là. C'est une très bonne idée. Ça aurait peut-être pu sauver des vies. Effectivement. Eh bien, c'est l'Institut Royal Météorologique, donc l'IRM, qui va mettre sur pied un service météo spécial pour les festivaliers afin de contribuer à éviter des drames, comme tu le disais, Mickaël, comme celui de Puckle Pop, où il y avait des très gros orages qui avaient fait des morts, malheureusement. Donc, ils pourront, via Twitter ou via SMS, envoyer donc ces petits trucs. C'est gratuit, hein, les SMS sont gratuits. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ils pourront prévenir des orages à venir ou des intempéries quelconques. D'accord. Donc, pour éviter des nouveaux. Oui, c'est un bon plan. C'est un très bon plan. 8h35, il y a un message qui est arrivé. Il y en a plusieurs qui sont arrivés en disant pour le fait de faire pointer les fumeurs quand ils vont sortir, comme si ils pointaient pour l'heure du midi, par exemple. Hein, ben voilà, c'est 5 minutes en moins sur la paye. Puisqu'il y en a qui abusent quand même. Il y en a qui le font 2-3 fois, donc passe encore. Ouais. Et après, il y en a qui surabusent, quoi. Toutes les heures, ils s'en vont pendant 5 minutes. Faut quand même pas déconner, quoi. 5-10 minutes le temps 5, que ça descend. Ouais. Parce que maintenant, c'est d'office à l'extérieur. Donc descend. Ouais, faut descendre, etc. Faut remonter, faut discuter. Puis t'en remets une deuxième parce qu'il y a Jean-Jacques qui vient d'arriver. Donc forcément, tu dois les raconter ce que Thérèse a fait ce week-end. Mais enfin, tu sais, après tout, ceux-là, ils vont quand même mourir d'un cancer. Donc Oui, non, mais c'est pas le problème. C'est juste qu'il y a un moment, il faut. C'est logique, quoi. À partir du moment où tu fais une pause, c'est logique qu'elles soient pas payées. Bah ouais, c'est juste une question ils de logique. Ils ont le droit de fumer, mais c'est vrai que c'est logique que ce soit décompté. Mais par contre, les syndicats sont pas très contents. Ouais, mais de toute façon, ils sont jamais contents. C'est comme l'église. Il faut toujours qu'ils tirent la gueule. Ouais, 8h36. Donc, donnez vos avis. 30-44 par SMS. Et on va s'écouter le son de Gio maintenant. Jennifer Lopez avec Papi sur Fun Radio. Et je vous rappelle la petite devinette qui colle encore une fois pour repartir avec les écrans plats, entre autres. Même noué, on peut encore l'épingler, coup bien lancé, qui peut être meurtrier. Qui est-elle ? Petit indice, c'est la cousine de ce que Elio Di Rupo passe sa vie à porter autour du cou. Et on peut appeler aussi ceux qui sont habillés comme ça, les costards. Voilà. Bonne chance. Gilo à l'instant sur Fun Radio avec Papy tous les matins, 6h, 9h30. On est en direct avec vous, c'est Mickaël à la radio. Et puis j'ai une petite question, tiens, on va voir si vous allez arriver à deviner. Un idiot qui est allé porter plainte au commissariat pour le vol de son propre sac. Et il a été condamné, mais qu'est-ce qu'il avait bien pu avoir dans ce sac ? As-tu Julien une idée éventuellement ? Donc il a porté un sac. Enfin, non, en fait il portait un sac. Et on lui a volé. Pas bien dedans, j'imagine. Voilà, on lui a volé. Et il a osé porter plainte alors qu'il y avait des trucs pas bien dedans. Voilà, c'est ça. Donc en fait on lui a volé son sac, il a été porté plainte, on a retrouvé son sac et c'est lui qui est en taule. Ouais, ok. Voilà, donc qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans ? Bon, moi je dirais de la drogue, des armes à feu. Non, pas des armes à feu, mais effectivement c'était de la drogue. Donc en gros, le mec est complètement con, faut quand même le signaler. Signale que son sac perdu avec plein de drogue. Ouais, okay. Mais attends. Alors ça se passe donc le 11 juin donc en 2010. Et donc il y a une plainte qui a été déposée dans un commissariat en France pour vol de sacoche qui aurait eu lieu sur la place publique du village, enfin la place principale. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Du coup, il retrouve par miracle, parce que d'habitude ça se retrouve jamais ça, donc mais là il retrouve par miracle le voleur et le sac, et en fait dans le sac il y avait de la drogue, il y avait du cannabis, de l'herbe, enfin tout le bazar. Et donc du coup forcément le mec qui a porté plainte, bah lui évidemment s'est fait arrêter pour possession de drogue, etc. hein. Et en fait, il faut quand même savoir que du côté de la victime, donc la plainte qualifiée de pas très futée par son avocate a été motivée soi-disant parce que le mec à qui on a volé le sac ne voulait pas récupérer la drogue. Il voulait juste récupérer sa carte de banque, son code secret, son permis et son permis de chasse, bien évidemment. Ah d'accord. Okay. Voilà, c'est surtout le permis de chasse, parce que du coup il ne pouvait pas chasser. Hein. Bah, c'est normal. Bah, c'est ça, hein. quand on perd un sac rempli de drogue, qu'est-ce qu'on veut récupérer ? Un sac, on veut récupérer le permis de chasse. Ah oui, la drogue, il y en a tellement, c'est pas grave, mais le permis de chasse. Mais le permis de chasse, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Donc voilà, c'était un débile, profond, on peut le dire. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est. Ah, mais tiens, un bon relou, tiens. Ah ouais, lui il fait bien partie de la série là. Bon, allez, on va appeler maintenant celui ou celle qui s'est inscrite au 6322 code Astérix pour repartir avec les 4 places pour aller au parc Astérix. Et en plus de ça, peut-être être tiré au sort pour aller au parc Astérix toute la journée en full VIP. C'est-à-dire que vous allez pouvoir passer avant tout le monde. Et en plus, vous serez accompagné de Quentin Mossiman. C'est pour ça que vous pouvez passer devant tout le monde. Et c'est pour ça que vous passerez devant tout le monde, effectivement. Allez, on appelle quelqu'un maintenant, c'est parti. Allô, bonjour, comment t'appelles-tu ? Julie, c'est Mickaël, c'est Fun Radio qui t'appelle, Julie. Tu as quel âge ? Tu es dans quelle ville ? J'ai 23 ans, je viens de Gré-d'Oiseau. De Gré-d'Oiseau, très bien. Et tu viens de te réveiller, apparemment. Et tu viens de te lever aussi, non? Presque, ouais. Moi, j'ai un rhume. T'as quoi? J'ai un rhume. Ah, t'as un rhume, d'accord. Avec le temps dégueulasse du moment, on peut comprendre. Mais oui. C'est ça, et t'inquiète pas, la semaine prochaine, ça va être pire. Bon, ouais. Julie, tu t'es inscrite pour choper des places pour Quentin, pour le parc Astérix, pardon? Oui, oui. Eh ben c'est gagné. 4 places pour le parc Astérix, c'est pour toi. Et peut-être qu'à la fin de la semaine, on te rappellera pour te tirer au sort et que tu puisses repartir avec des places full VIP. Et en plus de ça, tu rencontreras Quentin Mossiman, ce qui est plutôt un bon plan, hein, accessoirement, hein, au passage. Bon, eh ben écoute, passe une bonne journée, Julie. Tu restes au standard, on prend tes coordonnées, on t'explique. On la voit cassée, hein. Ça marche. Gros bisous et soigne-toi bien, Julie. À bientôt. Et puis bah restez là, on va se mettre Pitbull dans un instant. Pitbull avec Marc Anthony, Rain Over Me. C'est ce qui va arriver bientôt, ça tient. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. 8h46 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Passons maintenant à l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes? Accident sur la N48 à hauteur de Mourcourt. La chaussée est fermée dans les deux sens. La circulation est à l'arrêt. Donc alors, chaussée de René, voilà comment elle s'appelle, fermée suite à un accident. Très bien. Une collision frontale entre deux véhicules. Ah oui. Ah, bien violent en plus, hein. Oui, bien violente la collision. Bon, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, un accident, un bouchon ou même des radars qui sont planqués, n'hésitez pas à nous en parler au 3044, c'est 50 centimes le message, ou alors simplement en nous envoyant un petit mail, en m'envoyant un petit mail sur ma boîte Mickaël, M-I-K-L at funradio.be. Dans un instant, c'est Pitbull avec Marc Anthony, mais avant cela, évidemment, c'est la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et la ligne anti-relou chaque matin sur Fun Radio, c'est à 7h-, 8h-, et 9h-. Les meilleurs messages laissés sur cette ligne anti-relou qu'on vous passe avec plaisir. Numéro de la ligne anti-relou à retenir, bien sûr, 0 473 86 00 13. Écoutons maintenant le premier message laissé sur cette ligne anti-relou. Écoutez ça. Cindy, je suis crevé, moi. Dans le quartier, Stino, ouais, vas-y, viens, ramène-toi. Ne vis pas trop. Allez, good night. Ok, on n'a rien compris. Je sais pas, apparemment il veut. Il good n'oublie night, pas ta robe. Good night. N'oublie pas ta robe. Donc, c'est un mot codé, je ne sais pas. Bon, enfin, bon. Ok, d'accord. Bah, lui par contre, il a fini au bon endroit. Hein. Dans la ligne anti-relou. C'est sur la ligne anti-relou, c'est parfait. Sa maison. Ah, sa nouvelle maison. C'est, ça, ouais. C'est parfait. Celui-là aussi a terminé au bon endroit. Cross-cachan. Voilà. C'est mon préféré de la matinée, celui-là. Au contraire, on aurait étonné, tiens. C'est mon préféré. Grosse cochonne. Bon, allez, lui aussi, il a bien fini dans la ligne anti-relou. Ça donne vraiment envie de rappeler, hein, une fois plus. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bah, Julie reprend tous les numéros, il faut le savoir. Ah, moi, derrière, je passe et je rappelle. Et après, elle rappelle tout le monde. Ah oui, ton message m'a excité. Ah bah attends, évidemment. Oui. Exactement, ouais. C'est allez, sûr. Dernier message de la matinée. C'est Christiane. J'ai bien aimé cette petite soirée sur Crète. Sur chat roulette avec les petits jeux cochons, ouais, tu sais bien. Ce serait bien que peut-être un jour qu'ils te reconnaissent, comme ça, tu as peut-être plus de chances de te retrouver. Voilà, je pense à toi, je me caresse, tu sais bien. Allez, bisous! Bisous. Elle aussi est bien, elle a bien fini hein, sur la ligne anti-relou hein. C'est pas mal. Bon, rencard avec la ligne anti-relou dès demain. Et retenez bien le numéro les filles, même pour les mecs, à donner à tous les relous du monde. Vous me donnez le numéro 0 473 86 00 13. Tiens, on revient sur le petit sondage que j'ai lancé tout à l'heure. Le petit sondage par rapport à ce que Julie a dit dans ses infos. Apparemment comme quoi les fonctionnaires fumeurs allaient devoir pointer maintenant quand ils allaient fumer une clope pour que ce soit déduit de leur paye, tout simplement. Ouais. Donc je vous avais demandé si vous étiez pour ou contre, tout simplement. Message qui dit les fonctionnaires qui ne font rien et qui boivent ne doivent pas pointer et ils sont payés. Attends, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Bonjour, je suis moi-même fumeuse et si l'employeur instaure la loi, entre guillemets, ce n'est pas possible qu'on aille fumer toutes les heures. Maintenant, je ne suis pas fort d'accord qu'on nous retire sur notre salaire. Les employeurs n'ont qu'à instaurer la loi. Bonne journée, c'est Laetitia. Je suis à moitié pour le pointage des fumeurs, mais seulement pour ceux qui exagèrent. Par contre, les patrons devraient pointer à chaque fois qu'ils vont boire un café. Ils ne font que ça toute la journée. Bientôt, faudra pointer quand on va aux toilettes aussi. C'est Mike qui avait envoyé le message. Ouais. Oui, bon, après, faut voir. Il y a un message qui dit « Oui, je suis allé chez Reza la semaine passée, rue Louvrex à Liège. Il y avait du monde, un bureau ouvert et trois dehors qui sont en train de fumer. Le seul bureau ouvert est-il un non-fumeur ?» C'est Fred qui avait envoyé le message. Et on fait un petit dernier. C'est comme à chaque fois, certains payent pour ceux qui abusent. Est-ce que les squatteurs de la machine à café vont aussi devoir pointer? Peut-être. Eh ben, ça serait bien, je serais d'accord aussi. Mais qui sait, qui sait. 8h50 sur Fun Radio, continuez à donner vos avis au 3044 et on écoute Pitbull et Marc-Anthony maintenant, c'est Rain Over Me sur Fun Radio. À la radio. Hey, Michael, c'est John McLean. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Michael à la radio. Michael à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Le son de Pitbull à l'instant sur Fun Radio avec Marc-Anthony, c'était Rain Over Me. Tous les matins, nous sommes en direct avec vous sur Fun, avec le rappel de la petite devinette qui colle là maintenant une dernière fois. Écoutez-la bien, même noué, on peut encore l'épingler. Coup bien lancé, qui peut être meurtrier? Qui est-elle? C'est la petite cousine qu'on cherche, la petite cousine de ce que Yo du Rupo passe sa vie à porter autour du cou. Et, la cousine plus longue. La cousine plus longue, exactement. Et en général, on dit de ceux qui sont les patrons, ah ben voilà, tiens, les costards vont encore bouffer, ne vont encore rien faire pendant que l'on travaille. Eh oui, il va encore rentrer à 15h. Ben voilà, c'est ça. Salaud. Bon, message qui est arrivé. Salaud qui dit, patron. Hello, quand je vais tirer ma collègue dans le local archive, je devrais aussi pointer car elle fume le cigare, lol. Bravo Joe pour cette vanne. Très drôle. Les non, fonctionnaires... Il n'y a pas besoin, il l'a déjà pointé elle. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, merci pour ça, merci pour ça les gars. Flash sur la E19 Bruxelles, direction Mons. Que tu l'apprécies. À hauteur Ytre-Nivelles. Très bien, merci pour l'info. Levez le pied si vous êtes dans le coin. On ne sait jamais. Bon, Top, tu vas retenter de donner la bonne parole là. Écoute, je vais essayer, mais c'est moi je fais ça vraiment parce que j'ai vu Ashton Kutcher et Demi Moore qui se sont tournés vers Dieu pour sauver leur couple et je me suis dit que moi j'allais sauver le monde comme ouais. Ça. Tu vois peut-être un petit peu grand, non? Pas du tout. Dieu est grand. Dieu ouais. Est fort. Il peut sauver le monde. Ouais, ouais. Dieu peut-être, mais toi c'est pas sûr. Pas du tout. Pas du tout. Je suis son messager, je suis sa voix, je suis son porte-parole. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ça, bon. Ça fait peur par contre. Bon, allez, on a été à Louvière tout à l'heure, on va appeler où là? Agili. Agili, d'accord. Oui, je me dis qu'ils ont besoin en ce moment de la parole de Dieu. Ouais, bah c'est ça. Allez, on est parti. C'est parti. On appelle Agili maintenant. Un pronostic, Julie? Bah, tu sais bien. Hein. Échec. Allez. C'est bien qu'elle croit en toi. Allô? Alléluia, madame. Alléluia. Dieu est parmi nous. Dieu nous a réunis. Alléluia. Madame, je vous appelle pour vous donner la bonne parole du Christ et pour vous aider à trouver la compassion. Dites-moi ce qu'il va... Ah, bah voilà, là ça va mal déjà. C'est assez clair. La raccrocher. Bon, on va la rappeler, c'est pas grave, on recompose. Je comprends pas. Ouais, moi non plus, je comprends pas, tiens. Allez, c'est parti. Je suis miséricorde. Ouais, c'est ça. Miséricorde toi-même. Allô? Oui, madame. Que se passe-t-il? Pourquoi me raccrochez-vous comme ça? Monsieur, vous allez arrêter, hein, j'appelle la police. Hein. Mais madame, on n'appelle pas la police quand la parole de Dieu vous... Ah oui, non, bah oui. On n'appelle pas la c'est police. C'est un échec si, si. Total, hein, ce ah matin. Ouais, c'est là, assez, là, ce matin, un drame, hein, ce je matin. Je ne comprends pas. Bah moi, j'ai bien une idée, mais enfin bon. Je ne comprends pas. Dieu est pourtant amour, passion, ben pénitence, oui. Miséricorde et... C'est vrai. Et je me fais raccrocher au nez tel une merde. C'est bizarre. On n'a toujours pas réussi à piéger. On a qu'est-ce qu'on se mérite. Que ce qu'on se mérite. Oui, bien sûr. Tu vas dans les ch'tis bientôt, non? On a que ce qu'on mérite. Voilà, 8h58 sur Fun Radio. Bon réveil à toutes et toutes. Alors, toutes et tous, pardon, parce que là, je l'ai exclu les mecs. Non, toutes et toutes, moi j'aime toutes bien. Toutes et toutes, c'est pas mal aussi. J'aime et nous avons maintenant Dominique qui est avec nous de Charleroi, 37 ans. Salut Dominique. C'est bon, t'as fait. Ah bah attends, moi je reste dans les. Dominique! Oui, bonjour. Ah, voilà, Dominique qui appelle de Charleroi, 103.5, la ville de la grève. Oui, exactement. La grève, la grève, la grève et encore la grève. Non, la ville de la brique et de la grève. Ouais. On peut résumer ça comme ça. Bon, Dominique, tu as la réponse à la devinette qui colle. Même noué, on peut encore l'épingler. Coup bien lancé, qui peut être meurtrier. Qui est-elle? La cravate. Mais oui, la cravate. Exactement. Cravate de notaire également. J'ai oublié de donner ça comme indice. Ah hein. Oui, alors. Oh, je suis con, j'ai complètement zappé ça. Bah, pourtant, moi, je pensais qu'à ça, mais je me suis dit, Julie, elle va encore m'engueuler. Ah, bah, c'est ça. Non, j'ai oublié la cravate de notaire. Bon, faut bon. Bon, en tout cas, c'est gagné. Tu repars avec les cadeaux, tu retournes au standard, on prend tes coordonnées, tout ce bazar là, et puis on va t'envoyer ton cadeau très rapidement, d'accord? Merci, bonne journée. Je t'en prie, bonne journée à toi aussi. Salut, salut. Au revoir. Et ben au revoir. Bon ben 8h59, on va reparler dans un instant avec vous toutes et vous tous évidemment, avec l'horoscope et on va vous payer vos factures dans un instant. 63-22, vous débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Vous vous inscrivez et dans moins de 10 minutes, peut-être qu'on appellera chez vous pour vous rembourser cash votre facture. Il y aura aussi dans un instant Mister You avec DJ Adele. Ce sera Funk You sur Fun Radio. Bonne matinée, il est 8h59. Mickaël, à la radio. Fun Radio. 9h sur Fun Radio, bienvenue, c'est lundi aujourd'hui le 3 octobre et passons à l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, grève à nouveau des bus tech à Charleroi, 85% des bus ne roulent pas, les chauffeurs sont en colère. Hier après-midi, un bus a encore été la cible d'un jet pavé, l'agression a cette fois eu lieu dans le quartier nord de Charleroi et ni le chauffeur ni les passagers n'ont été blessés, mais ils sont choqués. 5 mineurs d'âge ont été interpellés, l'un d'eux était en aveu hier soir. Grogne des prisonniers. À la prison de Lantin, une trentaine de détenus ont refusé temporairement de regagner leur cellule hier en fin d'après-midi. Cette attitude de mécontentement pourrait être due à l'arrivée annoncée de nouveaux prisonniers en provenance de la prison de Verviers. Prison de Verviers qui doit fermer ses portes fin du mois d'octobre. Et des services de police ont été envoyés sur place mais n'ont finalement pas dû intervenir. Le service public de Wallonie s'attaque à la cigarette et plus particulièrement aux fumeurs. Les fonctionnaires qui fument doivent désormais pointer. Le temps passé à fumer sera donc décompté de leur temps de travail. Les agents sont aussi invités à fumer dans les cours intérieurs des bâtiments ou les parkings extérieurs, en tout cas hors de la vue des passants. Une aberration pour les syndicats qui dénoncent une nouvelle stigmatisation des fumeurs. De plus en plus de Belges sont trop démunis pour se nourrir. Le nombre de personnes qui font appel à des associations pour pouvoir se nourrir ne cesse d'augmenter et ce sont de plus en plus souvent des Belges, c'est ce qu'on peut lire ce matin dans le quotidien flamand de Morgen. Chaque mois, entre 500 et 700 personnes reçoivent des colis de nourriture. L'État belge a hérité d'un montant record de 10 millions d'euros en 2010. Cet argent provient de Belges décédés qui n'avaient plus de famille et n'avaient pas rédigé de testament. Ce phénomène a fortement augmenté ces dernières années. En 2010, 118 Belges pour lesquels aucun proche n'a pu être retrouvé sont décédés. Le total de leur héritage revenu à l'État s'élève donc à plus de 10 millions d'euros, soit environ le double par rapport à l'année 2009. Toujours au chapitre économique, les bourses asiatiques sont en net repli à l'ouverture ce matin. L'euro est toujours en perte de vitesse face au dollar, accusant les mauvaises nouvelles en provenance de la zone euro où la Grèce a fait savoir qu'elle n'atteindrait pas ses objectifs de réduction du déficit. Et puis enfin en sport football, dimanche en 9e journée de championnat, le Standard l'a emporté face au Lyrs 2-0. Berscott et le FC Bruges se sont quittés sur un nul 1 partout et puis Genk s'est incliné 1-0 face à Anderlecht. Et à 9h03 sur Fun Radio, passons maintenant à la météo. L'anticyclone qui nous baigne de soleil depuis une semaine commence à donner des signes de faiblesse. Mais pour le moment, tout va bien. Profitons-en, dernière vraie bonne journée de beau temps. Température jusqu'à 27 degrés. Demain, quelques nuages seront déjà de retour. Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio et à 9h04, passons maintenant à l'info en plus. Le Mexique veut lutter contre les divorces. Alors ils ont une nouvelle idée. La ville de Mexico a décidé de lancer des contrats de mariage à durée déterminée de seulement 2 ans. Mais c'est pas mal un système. Hein. Alors cette proposition donc a pour but de lutter forcément contre le taux important de divorce. Alors si après 2 années de vie commune, les mariés sont toujours aussi amoureux, ils pourront évidemment renouveler leur contrat. Sinon, le contrat signé donc 2 ans plus tôt permettra de savoir comment diviser les biens et comment la vie avec les enfants sera organisée. Alors cette idée, évidemment, ne fait pas le bonheur de l'Église qui est évidemment contre. Ah, forcément, il faut rappeler que le Mexique est quand même le pays où il y a le plus de catholiques dans le monde après le Brésil. Donc évidemment, cette loi risque de poser quand même problème. Tu m'étonnes. Bon, bah, très bien. 9h05 sur Fun Radio. Dans un instant, on vous rembourse vos factures. Pour vous inscrire, 6322, débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture, comme là une facture qui vient d'arriver. 102 euros pour un ballon de foot pour mon fils, je suppose. 76 euros pour une amende en Hollande. 80 euros pour Proximus et Laurent. 50 euros pour le remboursement de l'iPhone. 75 euros pour un GSM. Il y a le nouvel iPhone d'ailleurs qui va sortir, ça va encore faire des crédits ça. 110 euros pour le parascolaire. 122 euros pour Babystar, c'est Yvette. Et puis bah vous, si vous voulez vous inscrire également, ça se passe au 63 22. Débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et puis bah tout simplement, vous appelez peut-être dans 5 minutes, juste après le son de Mister You et DJ Abdel. Maintenant, c'est Funk You. Bonne matinée sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. DJ Abdel sur Fun Radio à l'instant et on va payer vos factures. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. 9h09 sur Fun Radio. Chaque matin, on vous rembourse vos factures et chaque matin, vous vous inscrivez au 6322 pour avoir une chance de repartir justement avec tout cet oseille. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors, tiens, un message qui vient d'arriver. 83,47€ pour la thalasso des pieds. C'est Stéphanie qui avait proposé ça. Oui, pourquoi pas. 120€ pour un pot d'échappement. Qu'est-ce qu'il y a aussi? 81€ pour Internet plus le téléphone. C'est Aki qui avait envoyé le message. Et bah écoute, peut-être qu'on va appeler chez toi maintenant. C'est parti, on y va, on appelle. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Qui paye tes factures tous les matins? C'est Mickaël, Fun Radio. Mais oui, mais bien sûr. Évidemment, bonne réponse. Ça ne peut être que lui. Mais ça ne peut être que ça, mais bien sûr. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Gilles. Tu t'appelles Gilles, eh ben très bien. Et Gilles, tu veux qu'on te rembourse une facture de... C'est combien, tu m'as dit? 50 euros 50 euros. 50 euros, c'est pour rembourser quoi? C'est une mensualité pour mon iPhone. Eh ben écoute, il y a pas de problème. Hein. Est-ce que tu vas acheter le nouveau qui va sortir là demain? Enfin, il va pas sortir demain, mais enfin, en tout cas, il va être officialisé demain. Ouais. Ah, tu vas l'acheter aussi, donc tu vas refaire un crédit pour. Non, du tout. Mais bon, ça c'est le genre de choses-là. Il faut vaut mieux attendre, qu'ils mettent la technologie au point, parce qu'il y a souvent des soucis au début. Oh, ah, mais voilà. Non. Regarde, iPhone 4. C'est pas comme s'il y avait un problème d'antenne. Oui, c'est ça. Pour un téléphone, c'est quand même, c'est un détail, quoi. Tu vois. C'est pas comme si tu le prenais en main et le truc il captait pas, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais rien de grave, vraiment pas. Bon, bah très bien. Voilà, mais écoute, on va te rembourser tes 50€. Il y a aucun problème. Tu restes au standard. On va t'expliquer tout ça dans un instant. Super, merci à vous. Et avec plaisir surtout. Ciao à toi, à bientôt. Au revoir, ciao. Allez, bye. Tiens, on va parler encore de trucs un peu complètement cons là. Quelle star d'Hollywood serait un vampire selon un antiquaire? Alors, on va en parler dans un instant. Hein. Des fois que vous ayez une idée, là, vous nous dites. Hein. Vous avez le temps de la pub et de Licky Lee avec I Follow Rivers pour nous dire. Et puis, on en reparle juste après avec notamment Doudou qui sera là pour l'horoscope, bien évidemment. Et comme je le disais, bah, Licky Lee qui arrive. Avec I Follow Rivers. Et restez bien à l'écoute de Fun, puisque le signal des trompettes pour le parc Astérix peut retentir à n'importe quel moment. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Le son à l'instant de Licky Lee, c'était I Follow Rivers sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Allez, passons maintenant à l'horoscope du jour avec notre ami Doudou pour la dernière fois de la semaine, Doudou. Alors, on va commencer par les béliers. Ah oui, d'accord, on commence tout de suite. Profitez de cette journée pour faire le point sur vous et votre entourage. Très bien, alors on enchaîne avec les taureaux. Eh bien, faites la même chose. Vous n'êtes pas foulé aujourd'hui. Hein. Alors je fais comme je veux, non? Bon, les Gémeaux. Alors les Gémeaux, gardez votre sang-froid et soyez un peu méfiants. Les Cancers. Bon, la pensée logique, ce n'est pas votre fort aujourd'hui. Très bien. Et bon, les autres jours non plus. Ouais. Hein. Bon, ça va ou quoi? Bah, si, c'est un peu ça, c'est vrai. Très pensée logique. Ouais. C'est le signe de Julie, il faut le savoir. Les Lions. Veillez à boire suffisamment d'eau aujourd'hui. Là non plus, vous n'êtes pas foulé. Hein. Bah oui, alors moi je pense à la santé de vos auditeurs, principal. Non, mais alors. Bon, les Vierges. Vos problèmes se résoudront que si vous les prenez à boire le corps et sans attendre plus longtemps. Les Balances. Mettez de l'ordre dans vos idées et faites une pause. Oh oui, une pause. Ouais. Les Scorpions. Les Scorpions, le mieux c'est de réaliser vos tâches rapidement en profitant de votre bonne humeur du matin. Parce que vous allez être bien chonchon après-midi. Ah oui, ça risque. Ouais. Les Sagittaires. Prenez le temps de laisser libre cours à vos idées sans pour autant négliger votre tutoire. Quand même. Les Capricornes. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, surtout en amour. Les Verseaux. Mettez la pédale douce, mais oui, prenez le temps, ça va aller. Ah non plus, vous n'êtes pas foulé, hein? Bah non. Bon, les Poissons. Ce qui pourrait vous poser un problème, c'est le manque de confiance et les hésitations. D'accord, très bien. Merci Doudou, on vous retrouve demain. Mais oui, pas de problème, je serai là. Eh ben, j'espère bien. Allez, à demain Doudou, pour une nouvelle édition de l'horoscope. Donc, et puis je vous en parlais tout à l'heure là. Quelle star d'Hollywood serait un vampire selon un antiquaire? Quelqu'un a une idée ou pas? Non. Aucune idée, Toff? Non. Merci. Okay, je c'était le plus long E de la bande FM. Et oui, il va sur Fun Radio. Et oui, ce record. Et oui, magnifique E. Merci. Non, en fait, il y a un homme qui affirme qu'il possède la preuve que Nicolas Cage et John Travolta seraient en fait des vampires. Bien sûr. Et oui, et il vend d'ailleurs la photo en question pour une relativement belle somme. Donc le cliché date de la guerre de sécession aux États-Unis entre 1861 et 1865. Putain, j'ai de la culture, c'est un truc de fou ça. Ouais, trop et, fort. Et donc, et bah, il est vrai que l'homme représenté ressemble étrangement à l'acteur de rock, hein, ça c'est clair, mais bon, c'est un antiquaire américain qui vient de mettre cette photo en vente sur eBay. Et alors, il en demande une bagatelle, un détail quoi. J'imagine trois fois rien. Oui, 730 000 euros. D'ailleurs, je lui dis, c'est déjà porté acquéreur. Mais bien oui, sûr. Oui, avec mon salaire mirobolant, je oui, déjà porté. Pourrait. Attends, j'ai déjà mis, d'ailleurs, j'ai déjà surenchéri, bien évidemment. Mais bien sûr, tu sais qu'elle pourrait l'acheter avec son salaire, elle pourrait l'acheter en. Allez, si elle dépense que ça. En 4 millions de fois. En 3 fois sans frais. Ouais. Oh, et encore. Et encore, ça c'est parce qu'elle se restreint. Voilà, c'est parce qu'elle fait, elle fait des efforts, quoi. Voilà. Et donc apparemment, donc la star hollywoodienne, en réalité, le vampire donc vivant de Nicolas Cage va rajeunir et réapparaître dans une autre partie du monde, à nouveau jeune et prêt à tout recommencer. Donc apparemment, pour ceux qui seraient tristes que Nicolas Cage, comme tout le monde, vieillit, rassurez-vous, il va rajeunir puisqu'il va tout recommencer. Ah, voilà. Tout va bien. Voilà, donc tout va bien. On est sauvé. Et si vous voulez acheter donc ce petit truc sympathique à 730 000 euros, on vous mettra le lien sur eBay. N'hésitez pas. Et puis on mettra la photo sur le blog aussi sur mikael.fm. Ouais. Comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. C'est bizarre. Oui, bah c'est. Particulier. Voilà. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Comme ça vous avez mikael.fm. Vous pouvez aller jeter un œil. On va parler de l'armée dans un instant. Et oui, tout un programme. Et on va s'écouter Enrique Iglesias et Pitbull. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu Pitbull. Avec I Like How It Feels sur Fun Radio 9h20. Cherchez pas sur les autres radios. Ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici, Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. It's my time. Enrique Iglesias et Pitbull sur Fun Radio, 9h24, bonne matinée, bon réveil tout le monde. C'est lundi aujourd'hui, 3 octobre et soleil. Ça fait plaisir, c'est beau, oui, bah, profitez-en parce que c'est le dernier jour. Hein. Enfin, oui. Demain encore un peu, mercredi ouais, encore un peu moins. Ça et va puis... petit à petit se dégrader. Jeudi, c'est juste une angoisse. Hein. Je crois que c'est genre 12 degrés, 14 degrés vendredi. Pour ce week-end, ouais. Pour ouais. Ce week-end ouais, ça va être ouais. Vraiment la merde. Hein. Enfin, bon. Enfin 9h24. Tous malade. Ah ouais, 9h24 sur Fun Radio. Nous allons maintenant parler de l'armée et de la guerre. Oui, pour ceux qui ne regardent pas la télé, vendredi sur France 2, il y avait un reportage sur l'armée française en Afghanistan. Ouais, enfin, si c'est comme Harry Roselmack en immersion, c'est bon, hein, les trucs à l'eau de rose. Non. Oh, non, les non. Pauvres militaires, oh là, ils souffrent là-bas. Ah non, pas du tout, non. Ici, on apprend vraiment à connaître l'armée française. Alors, l'émission s'appelle C'est pas le pied la guerre. Et tous les clichés que vous avez sur. C'est sûr, c'est pas le pied. Et si vous avez. Et tous les clichés que vous avez sur l'armée, bah, je vous rassure, ils sont vrais. Alors, écoutez. Donc là, ils viennent de balancer une bombe sur un village. Alors, écoutez la réaction. Là, c'est la bombe. Putain, c'est beau. Oh putain, c'est beau. C'est pas le pied la guerre. Ouais, c'est pas le pied la guerre. Donc le mec il dit quand même, oh putain, c'est beau. Tu filmes. Et donc il balance une bombe. Il trouve ça super beau et il se dit que c'est le pied de la guerre. Voilà, c'est ça. Bah oui, j'ai fait un champignon, okay, hein, mais okay. Comme c'est joli le champignon. Il y a un petit bout qu'on n'a pas pu mettre, mais où en fait les mecs ils pètent. Et parce que tu l'entends pas, donc ça, à la radio ça passait pas. Et ah ils oui. Sont super contents. Les ah mecs bah sont ouais. Super fiers d'eux. Oh, t'aurais pu faire l'armée, toi. Ouais, ah ouais, pu, ça ouais. Être, t'as le même humour, tiens. Ah ouais, mais ils baissent pas assez. Ah, c'est ça. Bon, alors on peut se dire, oui, mais c'est le concept de l'explosion qui est joli, etc. Donc pourquoi pas, mais voilà la suite. Eh, va y avoir de la viande ce soir. Celle-là, elle sera pas périmée. Eh oui, il va y avoir de la viande, celle-là sera pas périmée. Hein. Tout en classe. Hein. Attends, mais ils sont malades, ces mecs. Tout la grande classe, quoi. C'est des grands malades. C'est ça. Et alors, non, évidemment, c'est pas tout. Hein. Votre avis, que fait un militaire quand il n'est pas au combat, Julie? Écoute, il dort. Il dort, c'est une idée, Taf. Mais non, il se cultive. Le militaire est un homme intelligent, le militaire se cultive. Bah, dans cultive, il y a effectivement un bout de phrase qui était bon. Enfin, un bout de mot qui était bon, écoutez. Aujourd'hui, on ne donne plus de bromure aux hommes. Mais ils peuvent importer leur ordinateur portable avec les vidéos qu'ils souhaitent. Ça dépanne bien, les ordinateurs, les films. On arrive à se satisfaire tout seul. Eh oui. Ah oui, ok, d'accord. Tu peux te satisfaire tout seul. Alors, activé, il y avait cul dedans. C'est pour ça que la réponse était un petit peu attends, bonne. Ça risque de faire polémique quand même, ce machin, c'est pas possible. Ah, il y a des chances. Mais vous allez voir que les militaires français sont des gens vraiment... Bah, quand on leur demande ce qu'ils vont faire en fait une fois revenus en France, écoutez leur réponse, c'est vraiment de la classe hein. Sa priorité c'est un resto. C'est une merde. Tu regardes la vidéo, ce qui va sûrement arriver, je vais défoncer ta chair. Et voilà. Défoncer ta sœur, bah écoute, tout en finesse. Eh oui, exactement, tout en finesse. Mais j'espère que la sœur est heureuse d'avoir appris ça par la télé. C'est ça. Bon, eh ben voilà, c'est plié maintenant sur l'armée. Vous savez que si vous voulez faire l'armée, n'hésitez pas. Hein. Mais oui, c'est sympa. Ça a l'air sympa, ils mettent des bombes, c'est joli, il faut filmer. Ils vont tirer la sœur du collègue. Ils utilisent YouPorn. Non, bien, ça fait plaisir de faire l'armée, tiens. Ouais. Ça fait vachement plaisir. Vous verrez bien là-bas, tiens, les gars, c'est un peu de même esprit. Hein. Nous, l'armée, tu rigoles ou quoi? Oui, tu serais pas capable de combattre, mais bon, l'humour, en tout cas, grave-le et. Oh non, c'est vrai, ils sont trop. Ouais, allez-y, je vous rejoins. Ah oui, toi, tu serais plutôt derrière. Ouais. Tu serais en train de compter tes sous. Bon, alors, le salaire le mois dernier, ouais, qu'est-ce que j'ai reçu? Est-ce que j'ai reçu une prime? Passez en premier, hein. Oui, je vous rejoins, je termine les calculs, là. C'est ça, voilà. Non, l'armée, moi, ça va pas, non? Non, mais non. Ou alors, si je vais en Afghanistan, c'est pour bronzer, quoi. S'il fait beau. Oh là là. Ah oui, non, mais tu vas pas là pour. Bah non. Alors, tu vas pas là pour faire la guerre, c'est ridicule. C'est vrai. Ils auraient demandé. Vas-y pour le paysage. Bah oui, c'est ça, pour voir un peu. Puis c'est joli. Bon, 9h28 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est Lucas qui va débarquer. Comme chaque matin, il sera là en direct avec vous jusqu'à 13h. Pour le self, vous faites la prog avec lui. Évidemment, restez bien à l'écoute de Fun Radio également, puisque il faut... Qu'est-ce qu'il faut ? Entendre ça. Ceci est un exemple. Ah ouais, voilà. Ça, c'est un beau cadeau à la clé. Et dès que vous entendrez ça, quelque part, entre 9h30 et 13h, peut-être plusieurs fois, on ne sait pas, en tout cas ça arrivera plusieurs fois dans la journée, eh bien vous repartirez, si vous êtes tiré au sort, avec 4 places pour le parc Astérix. Et peut-être que vendredi, on vous appellera en direct pour vous filer, certes, vos 4 places, mais qu'on transformera en place VIP, puisque vous serez avec Quentin Moziman pour visiter le parc. Vous passerez devant tout le monde, pas de queue, pas de bordel. Vous aurez fait le tour du parc en 2 heures, alors que les autres vont mettre 4 jours. C'est un peu ça, ouais. C'est quand même pas mal. Ça peut se gâcher une journée, hein, les files d'attente. Ouais, ça, c'est clair, ça peut la flinguer. Hein. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Restez à l'écoute de Fun toute la journée. Jasmine débarque à partir de 13h avec Pure Dance Floor. Et puis Evan, évidemment, avec toute la tribu qui reçoit Soprano qui sera avec nous et qui sera avec Evan. Et la tribu, ce sera à partir de 17h sur Fun Radio. Et puis la libre antenne le soir avec Vince. Voilà, on a fait le tour de tout. Bon anniversaire encore à Tov. Qu'est-ce qu'il y a prévu pour son anniversaire aujourd'hui? Un petit gâteau chez maman? Mais évidemment. Elle va encore faire plus à manger que d'habitude. Mais évidemment. Et il va encore prendre plus de poids que d'habitude. Évidemment. On est invité, Oui, bah tu rêves. On n'est même pas invité. Bah rien du tout, tu crois. Oh là là. De toute façon, tu serais pas venu, toi tu travailles, C'est le geste qui tombe. T'es débordé. Bah, attends, je vais apporter des petits cadeaux ce matin, C'est gentil, j'ai pas fini encore. Oh, mais alors, mais il va les finir tout à l'heure, t'inquiète pas. Ah oui, le but c'est de pouvoir en profiter toute la journée. Mais oui, tout à fait. C'est très gentil. Bon allez, bonne matinée à tout le monde en tout cas, et on se retrouve demain à partir de 6h du mat. Ciao tout le monde, salut Julie, salut Tof, ciao. Salut à tous. Allez, bye. Il vous manque déjà ? C'est pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.